couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 3. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email à l'adresse suivante, dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Vous pouvez aussi participer au forum Europe Écologie Les Brins, l'adresse suivante, eelb.su. Vous y trouverez différentes catégories, mais une tout particulièrement pour commenter les émissions, pour commenter les articles qui paraissent sur le site, différentes rubriques spécialisées, crypto-monnaie notamment, informatique, révisionnisme historique, etc., blabla général, bref. Si vous ne connaissez pas tout ça, je vous invite très cordialement à vous y rendre et à participer ou à lire les échanges. Cette semaine, nous sommes en équipe extra-ultra réduite. Hein, on est quelques-uns, mais fidèles au poste. Hein, ça arrive. Hein, des fois, il y a moins de monde que d'autres semaines, hein, pour des raisons diverses, indépendantes de notre volonté. Mais on est quand même présents au poste. Alors comme toujours, cette semaine est présent avec nous Fulbert. Salut Fulbert, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Gandalf, Fulbert va bien et bonjour à tous. Et aussi avec nous cette semaine, Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Et voilà, nous sommes trois aujourd'hui, mais c'est pas plus mal, pourquoi pas. Nous aurons peut-être des participants qui nous rejoindront durant cette émission. Nous allons essayer de quand même ensemble, pendant le temps que nous allons partager, d'informer nos auditeurs, d'attirer leur attention sur tel ou tel point, mais aussi, dans une certaine mesure, de les divertir, de les sortir un petit peu de la morosité ambiante, hein, du caractère un petit peu affligeant de ce que l'on vit en ce moment. Voilà, on va changer les idées un petit peu ensemble. Alors messieurs, cette semaine... avant de commencer, je tiens quand même aussi à remercier nos donateurs. Pas de donateur cette semaine qui nous a écrit de courrier en particulier. Nous avons du retard sur les vérifications de dons. Veuillez nous en excuser, on est débordés, on n'arrive pas à faire les choses comme on aimerait pouvoir les faire et en temps voulu, mais on n'oublie rien et on fait de notre mieux. Donc merci à tous les donateurs qui nous soutiennent. Si d'aventure on vous a oublié, n'hésitez pas à vous signaler par courriel, parce que peut-être que vous seriez passé en spam, ça peut arriver hein, dans le flow, donc n'hésitez pas donc à nous signaler ça. Donc merci encore à tous ceux qui nous soutiennent par leurs dons. Sans vous, pas d'émission, sans vous, pas d'articles, de site internet, pas de forum, etc., etc., bien évidemment. Alors, première rubrique, courrier des lecteurs. Alors, c'est un tout petit courrier cette semaine, mais qui paraît pas inintéressant à aborder. C'est un auditeur qui nous dit la chose suivante. « Bonjour les amis, permettez-moi de vous dire que vous marchez sur la tête en disant à longueur d'émission que MLP est l'ennemi à abattre. c'est quand même ce qu'il y a de moins mauvais. Elle est contre le pass et l'obligation vaccinale. Pour une fois, vous marchez donc bien sur la tête, et c'est d'autant plus grave que vous n'êtes pas vacciné, bien à vous. Voilà. Alors, notre auditeur, je pense, reconnaîtra sa prose, je pense qu'il reconnaîtra son message. Je me suis dit que c'était bien de commenter ça, parce que, effectivement, dans la masse de nos auditeurs, il y a sûrement des personnes qui sont comme lui, hein, des marinistes non pas de conviction, mais pragmatiques, et qui se disent qu'après tout, d'abord, d'une part, il faut voter, et deuxièmement, s'il faut voter pour un candidat, c'est Marine Le Pen. Voilà. Bon, alors... Déjà, je me suis dit, par honnêteté, qu'il fallait quand même citer ce courriel, c'était la moindre des choses, et ensuite d'en discuter, même si dans les émissions, on a quand même souvent développé notre point de vue, donc ça peut être redondant, évidemment, sous cet aspect. Mais enfin, moi, j'ai quand même des choses à répondre à notre auditeur, évidemment, en toute amitié, évidemment, avec tout le respect dû à ceux qui nous écoutent, c'est très certain. Est-ce que quelqu'un veut commencer là-dessus, que ce soit Fulbert? Alors Fulbert, bon, toi t'es belge, mais t'as quand même un regard sur ça, sur les élections en général et sur ce genre de candidat en particulier, ou Alexis, peut-être aussi. Eh bien, je ne sais pas, moi j'ai presque l'impression, sans mettre en doute l'authenticité du message, hein, du courrier, j'ai l'impression que ça peut être un courrier de provocation, mais je peux me tromper naturellement, parce qu'il y a quand même deux reproches principaux, je trouve. D'abord, le fait de ne pas être orienté sur le RN de Marine Le Pen, qui à mes yeux, en tout cas, ne prouve plus grand-chose. Et ensuite, le fait que c'est d'autant plus grave, dit notre ami, que nous ne sommes pas vaccinés. Ça sent, pour moi, la provocation. D'accord, donc toi tu te dis, tu veux dire par là qu'il est, c'est de l'humour, c'est ironique, ou quand tu dis c'est de la provocation, ou alors tu dis non, c'est en fait un détracteur qui cherche un petit peu à vouloir nous faire tourner en bourrique. Moi je croirais plutôt à cette dernière explication. D'accord. Alex ? Si l'auditeur veut dire qu'il existe des points positifs ou des avantages de la candidature Marine Le Pen, alors, il peut y en avoir de trouver. D'abord, le nom Le Pen est très connu. Nous, évidemment, on sait faire la part des choses. Jean-Marie Le Pen avait dit des choses intéressantes et assez visionnaires concernant l'immigration, notamment, et l'insécurité, mais il a fait aussi beaucoup d'erreurs et certaines choses qu'on peut quand même interpréter comme de la trahison dans certains cas. Marine Le Pen a été certainement plus loin dans l'abandon des principes fondateurs du mouvement, mais il n'empêche que le nom est connu, donc il y a plein de gens qui votent parce que c'est le nom. Ça veut dire que si elle se présente, elle va faire un certain nombre de voix, c'est certain. Il y a aussi quelques personnes, alors il y a tout effectivement le milieu homosexuel, bon, qui là est toxique, hein, je pense, hein, et n'a pas très compatible avec le mouvement national. Bon, il existe cependant quelques personnes qui sont pas trop mal. Il y a Nicolas Bay, qui est un chef d'entreprise. Je pense que c'est un homme qui est assez proche de nos idées en privé, à mon avis. Ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense que c'est plausible. Il y a Stéphane Ravier, qui est un, je pense, un garçon qui est très bien, parce que quelqu'un de très pragmatique, qui a, on l'a vu l'autre jour, craqué un fumigène en pleine manifestation. Il affirme sa non-vaccination. Il s'est fait jeter d'ailleurs d'un plateau télé. Bon, il a été élu local en défendant bien ses idées. Bon, il y a quelques personnes. Il y a Thierry Mariani qui n'est pas non plus parfait, qui avait défendu Bachar el-Assad et Poutine, bon, contre vents et marées. Bon, il y a des personnes qui sont pas mal. Maintenant, évidemment, le problème, c'est que dans une configuration à deux tours, si Marine, j'ai bien peur qu'on ait le même scénario à quelque chose près qu'en 2017. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que le système est non seulement repasse, mais s'en retrouve légitimé. Donc vous me direz, oui, mais Zemmour, c'était encore pire, parce que Zemmour, même si lui dit des choses pas mal, déjà il fera peut-être le contraire. On sait aussi sa communauté d'origine. Et puis autour de lui, il n'y a pas non plus beaucoup de gens vraiment de grande qualité, en tout cas, ou alors je représente des talents cachés, puisque c'est des gens pas très connus. Donc Il peut exister des arguments favorables à votre Marine Le Pen. Moi, je ne me moque pas du tout de ça. Elle, en tant que personne, Marine, a des carences, à mon avis, vraiment importantes. Voilà, bon. Mais il y a des gens pas trop mal autour, je dirais. Je voudrais revenir un peu sur ce que j'ai dit en démarrant l'émission. En fait, j'ai mal interprété, je relis le petit texte, j'ai mal interprété la dernière phrase qui dit « Pour une fois, vous marchez donc bien sur la tête, car c'est d'autant plus grave que vous n'êtes pas vacciné. » Oui, là, j'avais mal interprété ça. Effectivement, nous ne sommes pas vaccinés, donc a priori, on devrait quand même accorder quelques bénéfices au RN si Marine Le Pen est vraiment contre l'obligation vaccinale et contre le pass. Bon. Donc, ce n'est peut-être tout compte fait pas de la provocation, c'est quelqu'un qui s'exprime un petit peu entre la passion et peut-être la colère aussi. Donc, je retire mon interprétation quant à la provocation. Mais il n'empêche quand même, il y a quelque chose, c'est que c'est vrai, c'est d'autant plus grave que nous ne sommes pas vaccinés et qu'on le dit. C'est vrai. Mais est-ce que cette histoire de vaccination, finalement, quand on examine l'ensemble de la question, le temps, depuis le temps que ça dure, est-ce que c'est réellement une question politique? Elle est politique parce que les politiques s'en saisissent, bien entendu. Mais à côté de ça, est-ce que cette question de vaccination n'est pas plus une question de, comment dirais-je, de conscience générale plutôt qu'une question du peuple, hein, plutôt qu'une question de politique. Parce qu'après tout, cette vaccination atteint tout le monde, qu'on soit de gauche, de droite, de tel ou tel parti, qu'on soutienne telle ou telle tendance. Moi, je pense que cette histoire, cette affaire de vaccination que l'on voudrait, certains voudraient rendre obligatoire, ça dépasse, à mon sens, largement le cadre politique. Oui, bon, ce que dit en substance, en filigrane, notre auditeur, c'est qu'il faut être pragmatique, qu'il y a une espèce d'obligation de vote utile, et que si l'on procède selon ce principe du vote utile, à ce moment-là, l'option Marine Le Pen est la plus évidente en procédant par élimination. Alors, effectivement, si on participe aux élections, on peut commencer à sous-peser les différentes candidatures et entrevoir peut-être Marine Le Pen comme un moindre mal. Mais pour ma part, j'ai donné mon point de vue. C'est mon interprétation, d'accord, hein, je suis pas Dieu le Père, hein, j'ai simplement une analyse qui me pousse à dire que les élections, d'une manière générale, dans le contexte et la situation actuelle, ne servent à rien. J'ai explicité assez longuement pourquoi. C'est pour ça que j'étais quand même un peu étonné de voir qu'on ait un auditeur qui nous dise... Qui évoque le sujet de cette manière, parce que je pensais quand même avoir souvent insisté, en tout cas, sur mon point de vue, hein, pas en disant que j'ai raison, mais en exposant simplement mes vues. Donc, j'avais l'impression que, en tout cas, mon point de vue était, alors, à défaut d'être partagé, au moins entendu, et visiblement pas. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est vous avez la démocratie pure, théorique, puis vous avez la démocratie pratique. La démocratie pure, en théorie, une personne, une voix, hein, comme on dit en Afrique du Sud, et tout ça est censé fonctionner formidablement bien, c'est-à-dire que les gens sont éclairés, intelligents, informés, sont dotés d'un esprit critique, et en toute liberté se déterminent dans l'urne. Bon, ça c'est bien, c'est la démocratie pure, théorique, c'est très enthousiasmant sur le papier. Puis vous avez la démocratie pratique, qui est en fait une somme de confrontations entre groupes d'intérêts contradictoires, antagonistes, qui essayent de s'écraser mutuellement. Et donc on voit des groupes, des maquis d'intérêts se forger à la faveur des élections pour essayer de supprimer les intérêts antagonistes. Alors il y a différents types d'intérêts en quelque sorte. Ça peut être des intérêts déterminés par l'argent, par la classe sociale d'une certaine façon. Il y a aussi des facteurs générationnels, mais qui sont liés au premier plan. C'est-à-dire que quand on est plus âgé, on a accumulé plus de capital, plus de patrimoine, donc on a une perception économique qui est complètement différente, par exemple, d'un jeune de 25 ans qui démarre dans la vie active et qui n'a pas grand-chose. Bien, c'est pas une vérité absolue, hein. Je veux dire, un petit retraité qui gagne 800 euros par mois n'a pas non plus tout à fait la même perception de la réalité qu'un jeune qui démarre dans la vie à 25 ans, mais qui est un héritier et qui est millionnaire. Bien, donc évidemment, on pourra toujours citer des exceptions, etc., mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Bon, ensuite, il y a le déséquilibre démographique, hein, entre les générations, et puis la question raciale. Alors, les allogènes votent plutôt moins, ou même franchement moins, mais ça détermine aussi le vote, bien sûr. Et je pourrais continuer comme ça longtemps en égrenant les différents groupes, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'entre la démocratie pure et la démocratie pratique, déjà, il y a un univers. Donc, et je crois que pour cette raison, on a des blocs constitués qui truquent définitivement le vote. C'est pas qu'il le truque au sens, en tout cas à ce stade, hein, c'est pas qu'il le truque au sens où il y a de la fraude organisée, mais simplement par le poids des différents groupes, vous avez des groupes qui sont constamment et structurellement lésés et des groupes qui sont constamment gagnants, entre guillemets. Il est évident aujourd'hui, pour des raisons de vieillissement, que le groupe des retraités en France, au plan électoral, est un groupe dont le poids et l'influence est tout à fait considérable au plan électoral, et qu'on ne peut pas modifier ça, et que plus on avance dans le temps, plus ça s'aggrave, puisqu'il y a de plus en plus de retraités. Donc j'ai déjà donné ces chiffres, je sais, je me répète, mais vous voyez que même en se répétant, ça passe pas toujours. Il y a 17 millions de retraités en 2022 en France, il va y en avoir environ 21 millions en 2030-2031 en France. Donc dans moins de 10 ans, il y a 21 millions de retraités en France. Voilà, c'est un bloc, il est là, il est présent, et il est dépendant de l'État. Bon, donc ça entraîne des comportements électoraux. Donc, ensuite, si on se dit, oui, mais voilà, il y a tel candidat, ce qu'il dit, c'est très intéressant, il a la position... Oui, si vous voulez, mais ensuite, vous avez les mathématiques électorales, et quand vous avez des données invariables comme celles que je viens d'énoncer, bah, vous avez beau trouver un candidat intéressant, ses positions ont l'air d'être séduisantes, oui, mais voilà, vous avez des blocs inamovibles qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Et vous ne pouvez pas changer ça. Ce n'est pas une question de, tout d'un coup... J'ai une illumination, j'ai compris que je me trompais en votant, je ne sais pas, Emmanuel Macron, ou en votant pour le centre droit, ou la gauche, ou peu importe. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne crois pas du tout, au regard de la composition de la sociologie électorale, si on veut, que les élections puissent changer quoi que ce soit. Voilà, ça c'est mon point de vue. Ensuite, vous avez le travail qui est fait en amont, j'en ai déjà parlé, les médias, les puissances d'argent, les groupes d'intérêt, et qui sont évidemment liés, on parlait de patrimoine, ça c'est lié, et il y a un bombardement médiatique qui est permanent. Et je sais que, évidemment, dans nos milieux, on a tendance à... On se dit que la propagande est tellement énorme que ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on voit BFM mentir, on se dit, non, mais bon, c'est bon, ils nous prennent pour des jambons, c'est trop gros. Alors, oui, malheureusement, non, ça marche. Il faut avoir conscience que ça marche. La propagande marche. D'accord ? Sinon, il y a très longtemps qu'ils auraient changé de méthode. Donc, ce que raconte BFM, ça ne marche pas sur les gens qui ont une distance critique, mais ça marche très, très bien chez les suivistes. Peut-être on aura l'occasion d'en parler avec l'affaire Djokovic, mais moi, je constate sur les réseaux sociaux, à la fois en Australie et en France, un plébiscite, pour l'expulsion de Djokovic du territoire australien. Les gens trouvent ça très bien. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens trouvent ça très bien. Au titre de « Ah oui, mais enfin un gouvernement qui fait respecter la loi. » Vous voyez ? Donc il ne faut pas sous-estimer le conformisme, le suivisme des masses. Hein ? On est en démocratie c'est la loi de la masse. Alors quand vous avez la puissance médiatique, vous pouvez manipuler les masses. Pas toutes les masses, mais une grande partie des masses. Voilà. Donc c'est pour ça que, bon, déjà, participer à l'imposture démocratique ne m'intéresse pas personnellement. Voilà. Alors maintenant, pour ne pas trop m'étendre sur la qualité des candidats, bah, vous avez compris que la qualité des candidats, après ce que je viens de dire, est parfaitement secondaire. Vous pouvez trouver que il y a tel interprète de la chanson qui est plus séduisant, meilleur chanteur que l'autre, mais il va chanter la chanson qui est écrite. N'allez pas croire que si vous désignez Marine Le Pen présidente de la République, beaucoup de choses vont changer. Il y a des ministères, il y a un CAC 40, il y a un grand patronat, il y a des blocs sociologiques qui, eux, ont leur propre orientation, et c'est pas parce que vous êtes à l'Élysée que tout d'un coup, tout cesse. Voyez ? Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des forces structurantes de la société française qui malheureusement sont dominantes pour des raisons très claires, et on ne peut pas renverser ça du jour au lendemain. Contrairement effectivement par exemple à l'Allemagne des années 30 où on parlait encore d'un pays très jeune, par exemple. Donc il y avait des possibilités en Allemagne. Aujourd'hui, un pays comme la France, très embourgeoisé, vieillissant, très endetté, avec la situation raciale qu'on connaît, je n'ai pas du tout la même perception, quoi. Voilà. Donc pour ces raisons-là, je ne partage pas du tout le concept même de vote utile m'échappe totalement. Je crois que c'est totalement superflu, inefficient, et la qualité des candidats n'est pas très intéressante. Quant aux propositions de Marine Le Pen, bon, écoutez, sur l'histoire du pass sanitaire, elle a dit tout et son contraire, d'accord. Il y a encore quelques mois, elle était une radicale du covidisme, je m'en rappelle très très bien. Elle faisait des procès en mollesse à Macron en disant qu'il fallait rendre le port du masque obligatoire, etc. Enfin, toute une série de lubies. Enfin, cette femme n'a aucune espèce de colonne vertébrale, elle n'a aucune conviction. Elle n'a aucune loyauté par rapport à quelque conviction que ce soit, puisqu'elle n'en a pas, d'accord ? Donc c'est au gré du vent, voilà. Si ça la rend populaire, elle soutient un truc. Si elle pense que l'opinion a changé, elle soutient autre chose, voilà. Bon, donc c'est des fétus de paille portés par le vent médiatique, et des gens comme ça ne sont certainement pas des gens à suivre, puisque eux-mêmes suivent le vent, vous voyez. Donc vous n'irez pas loin, si ce n'est là où le vent vous mène, bien sûr. Donc voilà, donc moi pas du tout convaincu par le discours pseudo libertaire de récente facture de Marine Le Pen. C'est porté simplement par l'opportunisme, comme tout ce que fait cette pauvre femme. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai la même opinion d'Éric Zemmour qui, ces derniers temps, parle un peu plus de ces questions pour dire sensiblement ce que dit Marine Le Pen. Là aussi, je ne crois pas à une sincérité d'Éric Zemmour sur ces questions. Je pense qu'il s'était déclaré favorable à, comment dirais-je, je sais plus, enfin, la vaccination obligatoire ou pas, je sais plus. Enfin bon, il avait aussi fait des déclarations tout à fait favorables au covidisme ambiant. Voilà. Donc voilà, pour toutes les raisons que j'ai dites, et j'ai été long, mais vous ne m'en voudrez pas, je ne crois pas que ce soit une option sérieuse. Est-ce que dans ce que j'ai dit, vous voulez peut-être rebondir, peut-être Alexis, sur les prises de position covidistes de Marine Le Pen ou de Zemmour ? Est-ce que ça te... Oui, bah, Marine Le Pen avait effectivement, au tout départ, elle avait demandé à ce que ce soit encore plus ferme comme confinement. Bon, à sa décharge, évidemment, et on n'avait pas de recul sur le virus, mais il n'empêche que oui, elle avait demandé dans un premier temps, elle avait même évoqué, je crois, la vaccination obligatoire, en tout cas systématique. Après, quand on lui a demandé si elle allait se faire vacciner, elle avait dit « je ne le ferai que quand mon médecin aura la notice de ce qu'il y a dans le produit ». Alors, je ne sais même pas d'ailleurs si elle a, je pense qu'elle a fait le vaccin, mais bon. De toute façon, oui, effectivement, ça va un petit peu au gré du vent. Bon, son père... a demandé à ce que tous les patriotes se fassent vacciner. Alors bon, après, je vais pas m'étendre sur les relations actuelles entre son père et Marine Le Pen. Bon, c'est pas vraiment intéressant, à mon avis. Mais bon, le seul, effectivement, comment dire, argument, parce que là, ce que tu as développé, c'était intéressant, mais c'était plus sur la question, faut-il voter ou faut-il pas voter, puisque... Bah, c'est la première question, par définition. Hein. C'est, est-ce qu'on estime que les élections servent à quelque chose ou pas ? j'ai donné mon point de vue. Et ensuite, si on estime que c'est nécessaire, quel candidat ? Bon, c'est évidemment, quand on a mon point de vue, en fait, on est assez peu intéressé par la question des personnes, en fait. Moi, je suis vraiment... je suis complètement sorti de la démocratie, moi. Hein, donc je ne nourris pas de... Je veux bien l'entendre au plan local, par exemple. Je veux dire, au niveau d'une municipale, ça peut faire une différence. J'en dis qu'on vient pas trop, quoi. Hein, si au plan local, effectivement, on peut élire un maire dont on sait qu'il va mener une politique qui va permettre à la commune de bien se porter ou d'éviter un nuisible, de saccager sa commune. Bon, c'est quelque chose que j'entends, parce que c'est quelque chose qui impacte directement la vie quotidienne de quelqu'un. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me paraît complètement... Voilà, je vais pas non plus être dogmatiquement sectaire, on va dire, mais pour le niveau de... Pour le type d'élection dont on parle, là, oui, là, je suis complètement, complètement formel et catégorique, ça ne sert à rien. Enfin, de mon point de vue. Je t'ai coupé, mais bon, voilà. Donc après, évidemment, quand tu as ce point de vue-là, je veux dire, tu peux... Bon, on peut dire ce qu'on veut des candidats, mais là, j'ai quitté le train, quoi. Je suis descendu à la gare. Bah, disons qu'historiquement, avec la Ve République, le président de la République, théoriquement aussi, il a le Parlement avec lui, donc l'Assemblée nationale, parce que c'est ça aussi une question importante, c'est qu'il faut gagner les législatives, et que Zemmour, par exemple, n'a pas véritablement de parti constitué, même si maintenant il y a reconquête, mais bon, saura-t-il gagner avoir des candidats qui vont être députés, je ne sais pas. Bon, mais il faut donc gagner le premier tour, enfin en tout cas arriver dans les deux premiers, gagner le deuxième tour, arriver en tête, et puis après gagner le troisième tour, qui est le... Bon. Et à partir de là, vous avez quand même accès à un certain pouvoir, un pouvoir qui est limité tout de même par l'Union européenne, puisque la plupart des lois faites sont des lois qui sont des lois européennes, qui sont transcrites ensuite dans le droit français. Il y a tous les lobbies dont tu as parlé. Alors là, quand on voit Pfizer et les GAFAM et tout ça, c'est évidemment une pression considérable. Et Marine Le Pen et ses équipes sauront-ils résister à cette pression? On peut en douter, effectivement. Donc, évidemment, il existe tout un tas d'arguments qui permettent de dire que Marine Le Pen a des limites. Je n'ai jamais dit, moi, qu'elle était parfaite, hein, bien sûr. Et des arguments qui vont dans le sens, voilà, du fait que ça ne sert pas à grand-chose. Cela dit, on peut voir les élections comme une sorte de consultation populaire. On va dire, c'est-à-dire les gens sont-ils en plus ou moins en accord avec le système? S'ils sont d'accord avec le système pour des raisons d'âge ou de finances personnelles, comme tu l'as expliqué, les boomers, tout ça, les gens vont se diriger normalement vers le vote Macron s'ils se représentent, ou le vote Pécresse. Hidalgo, à peine, je ne sais pas. Mais autrement, pour le reste, c'est des candidats qui prétendent, je dis bien prétendre, être un peu en rupture, que ce soit Mélenchon ou Zemmour, Le Pen d'un autre côté, c'est prétendument une rupture. Donc ça veut dire que si jamais ces candidats cumulent un certain nombre de pourcentages, si après, pour des raisons de troubles qui sont liées à des questions, je ne sais pas, n'importe quoi, de pénurie alimentaire, de que sais-je, on pourra dire au moins, regardez, finalement... une rupture totale avec le pouvoir de type Macron-Pécresse, qui eux-mêmes sont la continuité des Hollande, des Sarkozy et tout ça, une rupture est légitime sur le plan entre guillemets démocratique, puisque beaucoup, beaucoup de gens ont voté contre ces partis. Bon, c'est ce que moi je vois comme quasiment unique avantage. Oui, c'est sûr que quand on va cumuler les partis populistes et l'abstention, on aura une masse de gens hostiles au système qui sera considérable. Mais après, ensuite, placer ça à la tête de l'État en espérant qu'il y ait des changements vraiment radicaux, j'y crois assez peu. Je pense que c'est la situation qui va apporter des changements radicaux. Hein. Je ne crois pas que ce soit... L'action volontariste d'un homme politique qui va apporter ce changement. Je pense que c'est la situation qui va porter les ruptures, hein, que ce soit y a des tas de ruptures à mon avis qui sont en train de se forger ou qui sont déjà forgées, Et c'est ça qui va précipiter les grands changements et pas les candidats, surtout que en toute objectivité, le niveau moyen des candidats aujourd'hui en France est absolument affligeant. Hein, je veux dire, ils sont tous autant qu'ils sont absolument médiocres. Alors peut-être pas tous au même niveau de médiocrité, mais ils sont tous médiocres, quoi. Donc il n'y a rien qui fait rêver du tout. Donc c'est cette médiocrité ambiante aussi qui je crois souligne bien l'ambiance générale. Et pas de raison de changer d'avis. Voilà, je pense qu'on a répondu pour préciser un peu notre pensée. Bon, chacun ensuite en tirera toutes les conclusions qu'il veut, s'il veut même en tirer des conclusions, ou s'il persiste et décide d'aller voter. Bon, ça c'est chacun qui voit, mais je crois qu'on a été assez clair. En tout cas, merci à l'auditeur d'avoir quand même pris le temps de nous écrire pour nous faire valoir son désaccord. Rubrique numéro 2, in memoriam, effectivement, cette semaine, malheureusement, nous avons appris le départ pour le Valhalla de Guy Sagère, qui était connu sous ce nom-là, hein, c'était connu comme artiste, dessinateur de bande dessinée, bien sûr, scénariste, etc. Mais certains le connaissaient surtout pour son œuvre très importante, qui était Le Soldat Oublié. Alors, peut-être que certains de nos auditeurs, et même très certainement certains de nos auditeurs, ne connaissent pas ce livre autobiographique qui s'intitule donc Le Soldat Oublié. Et pour commencer un petit peu cet hommage, on va citer un courrier qui nous a été envoyé par un auditeur. Donc qui signe, hein, un boomer pas encore retraité, donc comme quoi, vous voyez, il y a des exceptions, hein, mais il y en a une notable dans l'émission, c'est Fulbert aussi. Hein. Bonjour à tous les démocrates, c'est avec beaucoup de tristesse que je viens de lire sur votre site le décès de Guy Mouminou, dit Guy Sagère. J'ai lu Le Soldat Oublié dans ma jeunesse, que mon père avait acheté, car très amateur de ce type, de littérature. Il avait lui-même fait la guerre dans la première DFL, engagé volontaire en 1944 à 17 ans, et avait beaucoup d'admiration pour les soldats allemands, d'autant plus qu'il travaillait à la mine avec d'anciens soldats donc allemands et d'anciens SS. J'avais été bouleversé par ce récit poignant, cette descente aux enfers, inoubliable pour tous ceux qui s'intéressent à cette période, et bizarrement, moi aussi, j'ai pensé récemment à Guy, me demandant s'il était toujours en vie et me promettant de relire Le Soldat quand j'aurai fini le livre du grand amiral Dönitz. J'ai trouvé à Paris une édition dédicacée du Soldat Oublié. J'ai bien sûr toute la collection des Dimitri, ça c'était aussi son nom hein, de dessinateur. Guy Sagère, c'est le pseudonyme, le nom de plume qu'il utilisait pour Le Soldat Oublié. Dimitri, c'est pour son œuvre de dessinateur. Et autre BD d'ailleurs, je viens de relire Calunt, qui est aussi extraordinaire. Je vous conseille L'Armée de l'Ombre, en partie tirée de son livre, et très bien dessinée, bien que la dernière page soit trop convenue et soit déchirée, je crois. Merci pour votre travail, que j'ai soutenu financièrement et que je continuerai à soutenir. Votre dernier live est top, bien à vous tous. Merci, cher boomer non repenti. Effectivement, alors Le Soldat Oublié, moi je l'ai lu, à mon jeune âge adulte. Parce que c'était, je ne sais plus comment, j'en avais entendu parler, je m'étais décidé de le lire, donc je l'avais acheté d'occasion sur Internet, comme ça se fait beaucoup, mais bon, il y a de ça quand même plus d'une décennie quand même. Hein, et sa lecture m'avait beaucoup, beaucoup frappé. C'est un livre tout à fait, c'est un livre qui marque, c'est vraiment un livre marquant. C'est un récit, c'est une épopée tragique à la première personne, et il y a des tas de passages qui sont absolument incroyables. Il y a des moments très très très intenses, avec une dimension personnelle très impliquée. Donc il y a notamment à un moment donné une relation entre Guy et une jeune Allemande qui est stoppé net dans le feu de la guerre, etc. Enfin, il y a vraiment tout ce récit. Et donc, pour situer un peu la... Donc, c'est autobiographique, hein. Donc, pour situer le, le point de départ du récit, c'est donc Guy Sagère, alors le nom de plume, donc Guy Sagère est d'origine allemande et française, allemande par sa mère et français par son père, et à 16 ans, en 1943, il décide de s'engager volontairement dans l'armée allemande et de partir pour le front de l'Est. Donc il estime que c'est son devoir d'Allemand. Alors il vit en France hein, aussi à ce moment-là, mais il estime que c'est il doit répondre présent et donc il devance l'appel et il s'engage et il rentre dans une division d'élite qui est la division Gross Deutschland. Donc la division Gross Deutschland. Donc il y avait des divisions d'élite évidemment dans la Waffen-SS, dans les parachutistes et aussi dans l'armée de terre allemande. Et la Gross Deutschland, donc en français la division Grande Allemagne, est une division d'élite de la Heer, donc de l'armée de terre allemande. Hein. Et donc le récit commence justement avec ce départ pour l'armée et l'entraînement de l'armée de terre allemande. Et là c'est peut-être aussi l'occasion peut-être de dissiper certaines idées reçues en se disant que, par exemple, la Waffen-SS a un entraînement d'élite et que l'armée de terre allemande a un entraînement moins exigeant. C'est pas du tout vrai, en fait. Hein. La Waffen-SS avait le même entraînement que l'armée de terre allemande. Il y avait pas de... Alors, il pouvait y avoir des spécialisations selon les armes, bien sûr, mais l'entraînement était aussi exigeant dans l'armée de terre allemande que dans la Waffen-SS. Hein. Et là commence le récit, en fait. Voilà. Et on le suit à travers cette incroyable guerre apocalyptique sur le front de l'Est, lui-même découvrant la réalité, etc. Donc c'est tout à fait spectaculaire comme récit. Moi, j'en recommande la lecture. J'estime franchement qu'un jeune blanc doit lire ce livre. Il y a beaucoup de livres, hein, je veux dire, de récits autobiographiques sur la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais celui-là, tout particulièrement, mérite lecture. Vous qui m'écoutez ne serez pas du tout déçu de ce récit, même si vous n'êtes pas très branché littérature. Je veux dire, si vous n'êtes pas très branché roman ou quoi, ce récit vous marquera. Voilà, donc j'en recommande très vivement l'acquisition et la lecture. Vous verrez, c'est le type de livre que l'on conserve, en fait. Voilà. Fulbert, qu'est-ce que tu voudrais dire sur ce livre et comme il est autobiographique, sur son auteur? L'auteur, je ne le connais pas plus que ça, hein, mais par contre, le genre de livre est formidable dans le sens où c'est quelqu'un qui a vécu l'action et qui la raconte, qui ne passe sans doute pas trop sur les détails affreux, mais on tient, disons, un témoignage de première main. Il y en a d'autres, bien sûr, il n'y a pas que Guy Sagère, tu y as des gens comme Pierre Klosterman, c'est un peu pareil, qui était dans l'autre camp, bien sûr, c'était l'aviation, naturellement, mais ces gens ont vécu le feu, et ils le racontent, et c'est ça qui est intéressant, ce sont des témoignages directs, et c'est formidablement intéressant. Pour le reste, j'ai fait j'ai observé la même conclusion dans les deux auteurs que je cite, donc Guy Sagère d'un côté et Pierre Klosterman de l'autre, c'est qu'arrivé en finale du livre, et sans, je crois, obligation morale particulière, ces gens disent à peu près la même chose. C'était le respect de l'ennemi, et on ne tombait pas dans la vulgarité de cracher sur l'ennemi parce qu'il était l'ennemi. Ils ont vu tous les deux, bien que de camps différents, ce qui était positif et ce qui ne l'était pas chez eux et chez les autres, chez l'ennemi. Il y a au moins ça. Lorsqu'on arrive aux fins de ces deux livres, le livre de Klosterman, je pense au grand cercle, bien sûr, on s'aperçoit que ce sont, en conclusion, ceux qui n'ont pas connu le feu, qui ont peut-être vécu pendant la guerre, mais qui n'ont pas connu le feu, ce sont ceux-là qui sont les premiers et les plus loquaces pour en parler, en ne connaissant pas l'ennemi, en ne sachant pas ce qu'il était, en ne sachant pas ce qu'était le feu. Et le pire, c'est que cette observation de ces deux auteurs se retrouve aujourd'hui, à trois quarts de siècle après la Seconde Guerre mondiale, où des gens affirment encore pouvoir parler à la place de ceux qui ont combattu et trouver à l'ennemi des défauts sans aucune qualité. C'est caractéristique, je dirais même que ça rejoint le domaine politique. Par exemple, c'est une petite image, mais quand vous entendez des gens qui, même de notre bord, accusent leur ennemi politique actuel d'être un fasciste, ça me fait bien rigoler, quoi. Voilà. Oui, on voit ça surtout en ce moment avec la folie covidiste, où l'opposition se croit très intelligente en disant que c'est du fascisme. Évidemment, ces crétins ne savent pas du tout ce qu'est le fascisme, ce qu'ont été les régimes fascistes. Et s'ils vivaient aujourd'hui sous ces régimes fascistes, ils ne voudraient surtout jamais en sortir. Contrairement à la dystopie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Bon, je passe là-dessus. Je te rejoins totalement sur le jugement a posteriori qui est porté par beaucoup de gens sur, sur les faits eux-mêmes. De ce point de vue-là, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il est d'ailleurs souvent préférable d'écouter les acteurs de l'époque sur ces questions. Klostermann, effectivement, dont le témoignage est toujours extrêmement saisissant. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur YouTube des entretiens, des interviews de Pierre Klostermann qui parle de sa guerre. Alors lui, il était membre donc des forces françaises libres, donc il était gaulliste. Il a participé à la défense de l'Angleterre dans son Spitfire, évidemment, et puis il raconte tout cela. Et Pierre Klostermann nourrit une admiration absolument sans borne pour les pilotes de la Luftwaffe. Il s'en cache pas, à aucun moment il essaye de... Ce qui était tout à son honneur, parce qu'en fait, on pourrait se dire qu'en tant que gaulliste, historique, il aurait tout intérêt à rabaisser un ennemi vaincu, etc. Et pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un qui dit en substance que il ne jouait pas du tout dans la même cour que les pilotes de la Luftwaffe, parce que les pilotes allemands, en fait, n'avaient pas le loisir de descendre leur appareil, en fait. C'est-à-dire que les pilotes allemands étaient maintenus en vol jusqu'à la mort. Ce qui, évidemment, change complètement la situation, puisque un pilote allemand ne pouvait pas dire « Voilà, j'ai fait tant d'heures de vol et tant de missions, et maintenant, je passe la main. » Les pilotes allemands devaient monter en ligne systématiquement au fil des ans sans jamais pouvoir dire voilà, je suis fatigué, maintenant je reste à terre. Et ce qui fait que les pilotes allemands de 1945 étaient des gens qui étaient passés à travers 6 ans de guerre et qui étaient des as, comme il n'y en a pas d'équivalent dans le monde. Et ensuite, ce n'est pas un hasard non plus si d'ailleurs tous les as allemands qui avaient survécu à la Deuxième Guerre mondiale étaient invités absolument partout, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et auxquels leurs anciens adversaires vouaient une véritable admiration qui n'était pas du tout occultée, qui ne cherchait même pas du tout à dissimuler. Donc, dans ces récits-là, en fait, on trouve l'authenticité de ceux, comme tu l'as bien dit, qui ont vécu les faits. Et donc, il n'y a pas besoin d'en dire plus, de maquiller que ce qu'il y a eu. Et c'est vrai que ce que tu dis est très pertinent de ce point de vue-là. Et ça nous change de l'ère absolument irrespirable actuelle. où 80 ans après, enfin 76 ans après le 64, enfin 77, on ne compte plus les années, mais années après la guerre, eh bien on a des profs gauchistes certifiés d'antifascisme, évidemment soucieux de satisfaire les juifs matin, midi et soir, qui vous racontent une guerre que les acteurs eux-mêmes n'ont pas vue. C'est des contes de vampires, enfin, ça n'a rien à voir. Voilà, donc pour cette raison-là, la lecture du soldat oublié à la première personne, sur le front de l'Est, sous uniforme Feldgrau, par un vaincu, d'ailleurs c'est le nom, c'est le titre, le soldat oublié. C'est ça l'amertume aussi qui guide un peu la plume de l'auteur, c'est-à-dire qu'il est du côté des vaincus. Et comme il le dit, le vaincu n'a pas d'histoire à raconter. Et surtout, il n'a personne pour l'écouter. Le vaincu disparaît. Le vaincu, c'est ça toute la cruauté de la guerre d'ailleurs, c'est que le vaincu n'a pas voix au chapitre. Et comme le dit l'adage, les vainqueurs écrivent l'histoire, pas le vaincu. Et paradoxalement, cet exercice autobiographique essaye justement de compenser ça, cet oubli, cette bataille immense, parce qu'on ne se rend pas compte, même nous aujourd'hui, même quand on essaye d'appréhender, on a du mal à comprendre, parce que c'est un affrontement d'une violence absolument inouïe, sans encore d'équivalent aujourd'hui, hein, en termes de violence. Et donc, cette immense armée allemande, aujourd'hui engloutie, disparue, évidemment diffamée et criminalisée par la vermine antifasciste, n'a pas de mémoire. Il n'y a qu'une anti-mémoire. Et Guy Sagère a essayé de faire entendre la voix de ceux qui n'avaient pas de voix. J'ai trouvé ça particulièrement émouvant. Et au-delà même du conflit en lui-même, et de ce conflit en particulier, je pense qu'il touchera tous les soldats qui perdent une guerre. Il y a quelque chose d'intemporel dans cette autobiographie, c'est justement ça. C'est le soldat qui a participé à une guerre, mais qui n'est pas du côté des vainqueurs, qui n'a pas le droit aux honneurs, et qui fait partie de la cohorte des anonymes. Et voilà. Et je pense que à ce titre-là aussi, ce livre est important. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Peut-être même sur le livre en lui-même, Fulbert, je ne sais pas, hein, sur ce qui est raconté dans le livre, qui devrait peut-être marquer. Ou sur tout autre élément que tu aimerais rajouter, je ne sais pas. Non, pas particulièrement. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais dire maintenant en plus. Moi, c'est ça qui me révolte beaucoup, parce que quand on sait ce qui s'est passé sur le front de l'Est, entre guillemets, autant qu'on peut le savoir à travers les lectures, parce que bon, je veux dire, sauf à y être en première ligne, mais bon, ça, il y a une impossibilité. Donc, cette résistance héroïque contre des forces supérieures qui est absolument incroyable. Léon Degrelle a fait la même chose dans plusieurs ouvrages, bien sûr, mais il a raconté sur sa participation sur le front de l'Est. Enfin, il y a des choses absolument incroyables. Enfin, je veux dire, dans les conditions extrêmes dans lesquelles ces hommes ont dû lutter. Parce qu'à des moments, notamment. À Tcherkassy, quand Degrelle est encerclé avec ses hommes, parce qu'il il couvre les arrières de l'armée allemande qui opère une percée, parce qu'ils étaient encerclés, et une percée est décidée, donc il y avait, je crois, 60 000 hommes, quelque chose de cet ordre, qui étaient encerclés par l'armée rouge, donc sur la rive droite du Dnieper. Et là, c'est une question de vie ou de mort pour 60 000 hommes, et Degrelle se porte volontaire pour couvrir les arrières de la percée. Et donc, durant la nuit, toute l'armée allemande encerclée se met en mouvement très discrètement, abandonnant d'ailleurs énormément de matériel sur le chemin de la retraite pour sauver les hommes, mais ça se fait comme ça très discrètement et se retrouve en fait l'arrière-garde. Et l'arrière-garde, du jour au lendemain, se retrouve face à un rapport de force complètement disproportionné. Et De Grelle raconte cette retraite absolument incroyable dans les conditions les plus extrêmes. Quand on lit ça, c'est des récits. On est dedans sans être dedans. On ne sait pas trop comment le vivre parce qu'à chaque minute, c'est on joue sa peau. On joue sa peau, la peau de ses camarades, et toute l'opération peut échouer. Ça peut se convertir en désastre absolu. Alors évidemment, sur le moment, De Grelle et Sega pensent pas à ça. On pense à l'action immédiate, mais quand même, c'est tout à fait spectaculaire. Et ça sera encore la même chose ensuite dans les Pays-Baltes quand De Grelle sera dans cette zone. Et évidemment, avec un rapport de force complètement déséquilibré. Et tous ces hommes-là, De Grelle, c'est aussi un peu son histoire. C'est comment, en dépit de l'écrasement total du Troisième Reich, de la victoire à la fois du communisme, de l'antifascisme et de la démocratie, comment essayer de faire vivre cette épopée en racontant ce par quoi sont passés les morts. Et ça se rejoint, et c'est des lectures qui sont incontournables, hein, je veux dire. Pourquoi incontournable ? Eh bien, c'est parce que leur lutte est notre lutte. Leur lutte est notre lutte. La guerre n'est pas terminée. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas terminée. La lutte se poursuit. Tout ce que nous vivons est la suite logique de tout ça, et le combat se poursuit. D'ailleurs, ils nous le disent, hein, ils traitent tout le monde, le système traite tout le monde de fasciste, etc. Donc, il y a une poursuite. Donc, les sacrifices de ceux qui nous ont précédés sur le front de l'Est, se poursuivent par la lutte de tous ceux qui, aujourd'hui encore, essayent de reprendre le flambeau et de maintenir coûte que coûte la bannière dressée. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut lire ce genre de livre. Parce que le flambeau doit être passé. Voilà. Donc je crois que c'est important. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ou pas ? Non ? D'accord. Que vraiment, lisez Le Soldat oublié de Guy Sagère. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, que ce soit d'occasion ou peut-être neuf. Vous trouvez ça, c'est une lecture que vous ne regretterez pas. chers amis. Rubrique numéro 3, valeurs républicaines. Alors, on parlait de démocratie, de république. Donc, un jour, il faudrait que je m'arrête là sur cette différence d'ailleurs entre république et démocratie. Je pense qu'il y aurait des choses à dire. C'est bien de montrer à nos auditeurs qui, pour certains, j'allais dire, pratiquent la démocratie sans l'aimer. Vous connaissez ça, c'est un nom de bouquin, c'est un titre d'un ouvrage de Bernard-Henri Lévy, c'est La guerre sans l'aimer. Tu sais. Et il y a peut-être des gens qui sont là, c'est la démocratie sans l'aimer, vous voyez. moi, j'ai tendance à croire que si vous n'aimez pas quelqu'un, bah, vous n'avez pas de rapport avec, hein. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai trouvé cet exemple assez frappant pour, j'allais dire, les plus crédules ou les mieux disposés vis-à-vis du régime républicain. Alors, c'est un sénateur français qui s'appelle Waserman, qui, au moment du vote du pass vaccinal, hein, qui instaure un nouveau type de société, on en a parlé ces dernières semaines, hein, c'est pas simplement une mesure, je sais pas quoi, de sanitaire, non, c'est vraiment un nouveau type de société qui instaure en substance, hein, le principe du privilège, qui restaure le principe du privilège qui avait été, dit-on, aboli. Alors on rentre à nouveau dans une société de privilèges, mais cette fois privilèges qui sont accordés par les juifs. Et le vice-président, à l'occasion de ce vote, se moque de la tête de ceux qui sont assez stupides pour avoir voté non seulement pour lui, mais pour toute la fameuse représentation nationale, ou prétendue telle, qui s'amuse très cordialement à, poignarder dans le dos les gens qui ont été assez naïfs pour les croire. Alors, on l'écoute parce qu'il dit quoi ? Eh bien, il dit que après ce vote, hein, il préside l'Assemblée à ce moment-là. Hein, donc c'est un vice-président, mais là, il préside la session. Il est assis, il est en chaire, hein, il regarde comme ça tous les députés. Le vote est en train de passer. Qu'est-ce qu'il dit à son camarade ? Est-ce que tu as mis le champagne au frais ? On l'écoute et on se retrouve. Alors, t'as le champagne au frais ? Je vais me tourner vers Fulbert. On a parlé en début d'émission de la démocratie. Là, c'est la République française en action, le parlementarisme en action. Ça doit bien t'inspirer une réflexion, Fulbert, quand même, parce que là, ils se cachent pas, je veux dire. Je ne suis pas très connaisseur en politique, cependant, il y a au moins une chose que le temps m'a appris, c'est que en politique, dans une société de type démocratique comme telle que nous les connaissons à l'ouest de l'Europe, je pense, j'ai même la conviction que il s'agit dans chaque nation, dans chaque pays, d'une caste politique et non pas de représentants du peuple qui, etc. Tout ça, c'est du bullshit. c'est pour les naïfs. En fait, il y a une caste politique avec ses privilèges, avec ses certitudes, avec ses convictions et surtout avec ses intérêts. Je crois que ça ne va pas plus loin que ça et qu'il faudra que tôt ou tard la population le comprenne. Mais ce que ça traduit certainement, c'est une très grande confiance en soi, ce qui peut paraître un peu, encore une fois, parce que vous, moi, nos auditeurs, on est grosso modo, alors non seulement on est anti-vax, comme on dit, que ce soit par principe ou contre ce vaccin en particulier, on est dans le mouvement, la mouvance populiste, pour certains fascistes, etc. Donc on a tendance à croire, ça c'est une déformation malheureusement, on a tendance à croire que tout le monde parvient à nos conclusions, c'est ce que je disais un petit peu avant, quoi. Que c'est tellement évident que tout est monté, que tout est mensonger, que les médias désinforment, etc. On se dit c'est tellement énorme que tout le monde voit ce qu'on voit. Et en même temps, quand on croise au quotidien les zombies, on sait quand même que quelque part ça marche d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est le point de vue, j'allais dire, de l'homme du peuple un peu lucide. Mais en haut de la chaîne alimentaire, eux, ils sont parfaitement conscients que ça fonctionne. Et en fait, ils sont tellement conscients que ça fonctionne qu'ils ne se cachent pas du tout. Et ça, ce moment-là, c'est ça. C'est-à-dire que le type, il n'est pas entre quatre murs en train de dire à ses collègues, ah là, les gars, on les a... Là, on les a eus. Hein. On leur a fait le truc. Non, non, là, il est à l'Assemblée nationale. Il est dans le siège du président. Il a ses micros. Et il regarde son collègue juste à côté. Il dit, alors, t'as mis le champagne au frais ou quoi? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de volonté de cacher. Et quelque part, c'est positif. C'est-à-dire que maintenant, il y a chez ces gens-là une forme d'arrogance, certains diraient d'ailleurs l'hubris, hein, c'est-à-dire une confiance excessive dans sa bonne fortune au point d'en devenir arrogant, ce qui mène généralement à la perte. Hein. Et ces gars, ils étalent leur arrogance et ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Et c'est difficile de dire l'inverse, puisque jusqu'à présent, ils s'en sortent très bien. Voilà, et ça, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Mais je ne vois pas comment ne pas non seulement relever quelque chose comme ça, et pas simplement s'indigner, parce que s'indigner, ça ne sert à rien de s'indigner, mais de se dire, attendez, là, les gars en haut, s'ils ont ce niveau d'impudence devant les caméras, mais hors caméra, ça doit être absolument sidérant. Je veux dire, on ne peut pas imaginer le centième de ce qu'ils disent entre eux. Des gens assez stupides pour les suivre. Parce que croyez bien, hein, j'en termine, que les gens qui sont assez stupides, non seulement pour voter pour eux, mais pour leur obéir, ils les considèrent avec un mépris qui est difficilement concevable par les idiots précisément qui votent pour eux et qui les suivent. Ça, c'est clair que là, voilà. Mais voilà, bon, je me suis dit que c'était une séquence qui était intéressante et qui méritait d'être relevée. Alexis, ce moment-là ne peut pas ne t'avoir échappé. Et j'imagine que de voir ce vice-président Wasserman étaler toute sa morgue a dû te plaire, ne serait-ce qu'en tant que citoyen soumis aux décisions de ce même Wasserman et de ses complices. Ah, nous sommes bien représentés, hein. C'est sûr que là, c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes prises alternatives. Il y a soit une caste dont a parlé Fulbert, politicienne, est là pour servir le peuple, ça, c'est encore les gogos qui croient à ça, sauf évidemment peut-être quelques exceptions de personnes, mais bon, disons, l'essentiel des troupes est quand même là précisément pour non pas servir, mais se servir, hein. Ça c'est clair, non seulement se servir, mais se moquer aussi du peuple, sachant que c'est des gens qui ne sont pas productifs. Hein. Je ne sais pas ce que Monsieur Wasserman fait dans la vie, mais à mon avis, bon, on pourrait se passer de ses services. Le contraste est aussi assez fort avec l'époque que vous avez évoquée tout à l'heure, et Guy Sagère et tout ça, parce que même si je n'ai pas lu encore le livre de Guy Sagère, Le soldat oublié, bien, il n'empêche qu'entre les deux guerres, vous aviez, parmi les gens qui avaient du poids en politique, c'était des gens qui avaient combattu lors de la Première Guerre mondiale, par exemple. Donc, c'est des gens qui avaient été au front, qui avaient risqué leur peau, qui avaient été décorés militaires, les Mussolini, Dollfuss en Autriche, Hitler lui-même ont combattu lors de la Première Guerre, bien sûr, donc... il fut un temps où, pour représenter le peuple, il fallait soi-même avoir fait preuve d'exemplarité. Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans une phase de dégénérescence accélérée et ce ne sont plus que des députés et sénateurs godillots, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils obéissent directement à En Marche, donc à Macron, qui lui-même obéit très obséquieusement, on pourrait dire, au grand groupe, hein, mondialiste, voilà, marqué communautairement très souvent. Donc voilà, c'est un bien triste spectacle, mais je pense que les mouches changeront peut-être d'âne un jour. En tout cas, ça valait la peine de le commenter. Donc voilà, hein, pour ceux qui croient à la République avec un grand R, la Déclaration des droits de l'homme, les gens adorent ça aussi, les grands principes, la Constitution. Alors il est beaucoup question de Conseil d'État, de Conseil constitutionnel, mais ça vaut rien. ça vaut rien, voilà, je sais pas. Les gens ont une espèce de déférence religieuse vis-à-vis de ces grands mots en se disant qu'il y a une espèce de pouvoir magique autour d'eux et que c'est infaillible. Bah là, vous avez la démonstration par A plus B que non, hein. Je veux dire, il n'y a aucune république qui est infaillible, pas plus de constitution, rien. Tout ça, c'est des conventions qui sont couchées sur papier, on respecte pas, bah, ça dépend de l'humeur, hein. Ça dépend des intérêts, voilà. Là, ils s'assoient tous cordialement dessus. Mais en plus, ils le célèbrent, hein, d'où le champagne. Hein. Et alors, quand ça a circulé sur les réseaux sociaux, parce que la petite séquence a été isolée, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux, la défense de Wasserman, ça a été de dire pas d'emballement. Et il était sérieux, hein, quand sa réponse était sérieuse, c'était pas de l'ironie. Hein. Il a dit pas d'emballement, je ne bois que de l'eau gazeuse. Donc, sous-entendu, je ne bois pas de champagne. Donc, arrêtez de. C'est vous dire le degré, quoi, hein, où on se situe, quoi. Donc, bon, voilà, des petites pirouettes comme ça pour essayer de s'échapper. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je dis. Ça me ramène au courrier de l'auditeur précédent. Si vous voulez, vous n'allez pas dans un marais pareil à coup de manœuvres parlementaires nettoyer les écuries d'Augias. Là, c'est une illusion totale. D'accord ? Donc, là, ce qu'il faut... Alors, je ne dis pas que ça se fait comme ça, mais ce qu'il faut, c'est une révolution. Là, il faut le grand ménage. Vous voyez ? Ça ne se répare pas avec des élections, ça ne se répare pas avec un bidouillage législatif. Voilà, quand la corruption a atteint un tel niveau dans un pays, qu'elle gangrène à ce point l'appareil d'État, et donc ce qui est d'ailleurs le corollaire de l'enjuivement d'ailleurs de l'appareil d'État français, puisque le juif ne prospère que sur la pourriture d'une nation, hein. Eh bien, il faut le grand ménage. Voilà. Sinon, la pourriture continue au point de tout étouffer, et là, c'est la déréliction complète, quoi, voilà. Donc, je pense que cette séquence était très, très illustratrice et méritait d'être citée. D'autant que ce passe ne sert rigoureusement à rien sur le plan sanitaire. On a vu que tout un tas de régions du monde, notamment au sud des États-Unis, qui n'emploient pas ça, de restrictions, finalement, s'en sortent extrêmement bien. Et qu'à l'inverse, hein, je ferai court, là, mais que les gens qui sont vaccinés plusieurs fois, comme Olivier Véran, voilà, qui nous avait promis qu'il y aurait plus de cas, si ce n'est quelques dizaines par jour après la vaccination, bah lui il est officiellement du moins triplement vacciné. Bon, bah il a été positif au Covid, donc bon, tout ça ne fait rien. Ouais. Alors, un système de crédit social, par contre, enfin ouais. C'est très court là encore, mais un système de crédit social qui va s'étendre, on l'a déjà dit, mais. On fait de vous soit des bons citoyens si vous êtes bien obéissants, mais en même temps, vous mettez votre santé en jeu en prenant ces injections et votre liberté reste quand même extrêmement limitée pour réaliser des choses futiles comme le fait d'aller au restaurant. À l'inverse, si vous refusez de rentrer dans le système, c'est pas votre santé que vous mettez en jeu, mais c'est par contre vous abandonnez encore davantage vos droits. Et donc, on rentre dans un système qui peut aller très loin. Hein, voilà. Est-ce que vous prenez l'avion? Est-ce que vous êtes pas trop déplacé? Est-ce que vous avez fait du CO2? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et dans ce cas-là, bon, ben, on peut aller jusqu'à l'élimination physique presque des gens qui respectent pas ces règles. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Absolument, oui. Mais de toute façon, là, on a la démonstration par A plus B que les grands serments démocratiques sont complètement idiots. C'est-à-dire que je me rappelle, je veux dire, il y avait un enseignement, un conditionnement antifasciste à l'école en disant plus jamais ça, ils adoraient ça d'ailleurs, plus jamais ça, retenir les erreurs pour ne pas les répéter, vous connaissez tout ça, quoi. Et finalement, ils anéantissent les libertés anthropologiques parce que. Je veux dire, il n'y a aucun régime fasciste qui a entrepris de mettre en place un permis d'aller boire un café au troquet. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais eu lieu, ça. D'accord ? Donc, c'est un niveau un niveau invasif au plan du contrôle des populations qu'aucun système totalitaire n'a pu mettre en place. Alors, ce n'est pas aussi létal que des systèmes, que le système communiste qu'on a connu, qui était probablement trop archaïque encore pour son temps. Mais c'est simplement parce que la technologie le permet. Voilà, la technologie permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses sans faire verser le sang. Voilà, c'est un peu plus sophistiqué. Mais on observe la facilité avec laquelle les gens capitulent toute leur liberté sans aucune opposition. Donc les grands serments, les grandes pétitions de principe sur les droits de l'homme, etc. Mais tout le monde, sans exception, ou pratiquement, s'assoit dessus sans broncher. C'est-à-dire que ceux qui nous en parlent matin, midi et soir, eux-mêmes n'y accordent aucune espèce de crédit. C'est ça la vérité. D'accord ? Et nous en avons la démonstration par l'absurde. Et je trouve ça, sa valeur pédagogique. Hein. Finalement, on peut en parler pendant des ans. Hein, voilà, les gens, qu'est-ce qu'ils aiment, le truc, leur liberté. Là, vous avez la démonstration. D'accord, leur liberté, ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés, les gens, par la liberté. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir sortir leur dinde, aller au cinéma, aller au restaurant. Voilà, pour eux, c'est ça Et s'il faut avoir une laisse, ils prendront la laisse. Bon, c'est ce qu'on a cité dans l'émission aussi par le passé. La fable de La Fontaine, le loup et le chien. Bon, tout y est, voilà, on n'a pas du tout avancé en 4 siècles. On en est toujours au même point et basta. On célèbre d'ailleurs les 400 ans de la naissance de Molière. Et je voyais ce con fini de Macron, Dieu sait qu'il est con, hein. Qui disait qu'il n'y avait pas de culture française d'ailleurs. Il disait il y a une culture en France. Voilà, bon. Non, mais je veux dire, il y a une culture en France, oui, probablement au Zimbabwe aussi. Bon, bref. Donc ce type qui pense qu'il n'y a pas de culture française célèbre quand même la naissance de Molière en parlant du rayonnement des arts français, etc. Donc qui n'existe pas, mais qui existe quand même. Voilà, bon. Ce type est prêt à tout. Et il commence son tweet officiel pour rendre hommage à Molière en citant le malade imaginaire. Faut quand même le faire en plein Covidisme, je veux dire. Non, mais ça s'invente pas un truc comme ça. Donc c'est pour vous dire, à tel point qu'on peut se demander si c'est pas voulu, je veux dire. Si pour se foutre de la gueule des cons, comme l'autre avec son champagne. Mais franchement, je veux dire, ils ont atteint un niveau de cynisme. Faut pas du tout se dire non, c'est pas possible. Moi je dis que si, c'est très possible, voire probable. Hein, voilà. Et donc il met ça dans son truc, le malade imaginaire ici, Molière, à 400 ans. Bon. Et je parlais du loup et du chien, je parle de Molière, oui, parce que vous avez des pièces de Molière qui tournent en dérision, justement, les gogos qui se font abuser par des charlatans qui en réalité veulent soit leur faire les poches, soit les abuser d'une façon ou d'une autre. Et c'est extraordinairement d'actualité quand on voit tous les gugus en blouse blanche qui prétendent savoir, que tout le monde respecte. Vous savez, hein, les gens que vous voyez sur Facebook ou les gens que vous croisez dans votre entourage, au travail, dans vos familles, qui sont hypnotisés par les blouses blanches. Ouais, ils ont vu la mère Lacombe dégoiser ses conneries, la Légion d'honneur en plus, je sais pas, ils vont devoir inventer des grades à force de les décorer, c'est con. Et puis alors ça continue, et puis ils sont tous avec déférents, mais lisez les pièces de Molière, hein, le médecin volant de Molière, il faut le lire, c'est totalement d'actualité. Ça a plus de 3 siècles, 4 siècles, c'est totalement d'actualité, d'accord ? Les mêmes gogos tombent dans les mêmes panneaux tendus par les mêmes escrocs. Et on en faisait des pièces. Molière en faisait des pièces, ça amusait son temps. Et vous avez aujourd'hui Macron, qui est justement un de ses docteurs, par procuration, qui se fout de la gueule des gogos de la même manière. Donc franchement, c'est vous dire qu'on n'a pas, on a vraiment pas fait avancer cette affaire. Hein. Donc non, on n'a rien appris. Sur l'histoire de la démocratie, c'est pareil, hein, tout ça c'est bidon. Les gens sont aussi cons qu'il y a 4 siècles, ils se laissent abuser de la même manière, ils sont aussi crédules, naïfs, ils demandent qu'à se faire voler. Hein, voilà. Alors, il y a au moins une différence, c'est qu'au moins à l'époque, la plupart, pas tous, parce qu'il y en avait quand même déjà, mais la plupart des charlatans qui se faisaient passer pour des médecins étaient des Français. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont plutôt juifs. Voilà, ça, c'est la différence, vous l'accordez. Mais sinon, bon, voilà. Donc voilà, donc la prochaine fois que vous entendrez des gens sortir leur violon pour parler de la démocratie, etc., les gens n'ont rien à foutre de la démocratie. C'est joli, c'est joli dans une conversation, mais ils y croient pas eux-mêmes. Ils pratiquent pas, vous voyez, c'est ça. Ils parlent beaucoup de religion et la pratiquent assez peu. Alex, ouais. Fulbert. Justement, dans ce que tu as dit, tu m'as rappelé quelque chose. Ouais, deux choses pour te dire. La première, c'est une question de conscience de la liberté que nous avons ou que nous n'avons pas. Il m'est arrivé de me déplacer dans un pays de l'Est de l'Europe. Vous savez que depuis quelque temps, on nous dit, oui, politiquement, disons, hein, vis-à-vis de l'Union européenne ou quoi, on parle pas mal des quatre pays du groupe de Visegrad, donc la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Et je repensais à quelque chose que j'ai vécu, que je ne vais pas détailler, je crois l'avoir déjà fait dans une émission. Mais je peux vous dire une chose. Lorsque des gens, y compris de notre bord, nous disent, oui, les pays de Centre-Europe résistent mieux que nous aux pressions que nos gouvernants nous imposent. Oui. Et cela grâce, pensent-ils, au communisme. Parce que ces pays du groupe de Visegrad, donc de Centre-Europe, ont connu le communisme et donc sont avertis, voient dans le détail que leur propre gouvernement, parfois, ou le gouvernement, la Commission européenne, leur impose. En réalité, ces gens se trompent. En accusant le communisme, je ne défends pas le communisme, loin de là, mais en accusant le régime communiste, ils se trompent. Parce que moi, je peux vous dire un truc. C'est que, dans les pays de Centre-Europe, ils ont eu le communisme. Mais au moment où moi je les ai connus, c'est-à-dire juste après la chute du bloc soviétique, ces gens m'ont expliqué tellement de choses que je me suis rendu compte, à l'époque, c'était dans le début des années 90, que ces gens étaient bien plus libres sous les communistes à cette époque-là, donc la fin du XXe siècle, que nous, dans l'Europe démocratique et libérale et tout ce que vous voulez. Ça, je peux vous l'affirmer. Ceux qui accusent le communisme en contre-exemple pour dire c'est parce qu'ils ont été contraints par les communistes qu'ils sont prévenus, non. Ils étaient plus libres sous les communismes à la fin du XXe siècle que nous en Europe au même moment. Et alors, je ne vous parle même pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore pire. Avec justement cette histoire du Covid qui réduit nos libertés, il faut bien le reconnaître, hein, tu l'as bien exposé tout à l'heure. Et une petite image que tu as mis dans ma tête tout à l'heure, c'était justement à propos des prescriptions qui nous sont imposées. Le masque, je prends le masque, bêtement. Tu as dit, voilà, rien n'a changé depuis 4 siècles. Eh bien oui, il y a 4 siècles, quand il y avait une pandémie, parfois grave, hein, comme la peste ou quoi, les médecins et soignants s'approchaient des malades ou des gens en général avec, rappelez-vous, vous l'avez sûrement vu sur des illustrations, avec un chapeau qui était censé les protéger, mais aussi un masque en forme de bec de corbeau. Ils étaient couverts par une grande cape, bref, dans une sorte de combinaison pour l'époque, et ne s'approchaient des malades et des gens de la population dans les lieux d'infection que couvert de cette façon. Et le masque aujourd'hui, qui soit papier ou FFP2, putain, mais c'est la même chose. Ça montre que nos dirigeants nous prennent, ont pris un vieil exemple qui a plusieurs siècles, qu'ils ont légèrement modifié pour le rendre crédible, naturellement, mais c'est la même chose. C'est le cas de le dire, mascarade. J'ai une petite remarque pour corroborer ce que vous dites, dans la mesure où Les gens qui nous dirigent, finalement, se moquent de nous en nous imposant des choses absurdes. Vous avez vu qu'Albert Bourla, le fameux PDG de Pfizer, qui est juif aussi d'ailleurs, eh bien, il a dit les deux premières injections offrent une protection très limitée. Voilà, c'est pas, son anglais n'est pas très difficile à comprendre. Hein, c'est offer a very limited protection. Bon, voilà, donc il nous a imposé ces trucs. Les gens ont pris deux doses, voire plus, et puis il explique lui-même, bon, en fait, non, ça sert à rien. Ouais, mais il a dit la troisième en offre une extraordinaire. Et vous vous rappelez, parce que ce temps a l'air très lointain. Non, non, c'était il y a 6 mois, quand tous les connards répétaient sur les réseaux sociaux ce que les médias juifs leur avaient dit, à savoir que le vaccin offrait 95% de taux de protection. Vous vous rappelez de ça, hein ? C'était partout. À chaque fois, tu dis, non, non, mais ton vaccin, il n'est pas très... Non, 95%. Les types, ils répètent comme des demeurés. Donc c'est ça la démocratie, d'accord ? Ceux qui la contrôlent le savent très bien. Les abrutis répètent tout ce qu'ils entendent. Vous voyez, si c'est, si c'est sur BFM TV ou dans mon journal régional, c'est vrai. Ils croient absolument tout ce qui... Ils croient tout. La minorité est critique ou distante. Et ceux-là, on leur jette la police au cul. Hein. On leur dit, voilà, vous êtes complotistes, etc. Mais tous les autres, ils croient, ils adhèrent à fond. Ils disent, ah ouais, effectivement. Donc au bout d'un moment... c'est ça le drame dans la situation actuelle, c'est qu'on est, enfin, tu es obligé de vivre dans cet environnement avec des crétins zombifiés, quoi. C'est ça qui est intolérable. Si on mettait tous les vaccinés zombifiés ultra radicaux covidistes dans un ensemble de pays et qu'on les voyait jamais, moi je veux bien. Je veux dire, après tout, les musulmans intégristes, ils sont tous en Arabie Saoudite, là-bas, ils... Moi, je suis très à l'aise avec ça, ça me va très très bien, hein, pas de problème, ils pratiquent leur religion, ils sont contents. Tant que je les vois pas, tant que j'ai pas à les fréquenter au quotidien, etc. Alors, je sais que ça devient de plus en plus difficile, hein, surtout en France, j'en ai conscience. Mais en théorie, moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand on vous impose la présence de ces gens-là et que vous devez vivre avec eux, et si vous obéissez pas à leur zoukaz, vous êtes un infidèle et ils hurlent takbir et ensuite ils veulent vous décapiter. C'est ce qui se passe là. Vous avez vu, ils ont mis en place là la jizya au Québec là pour les non-vaccinés. Ça y est, c'est bon, t'as la capitation maintenant pour les dhimmi. Tu vois? Les non-vaccinés, c'est des 10 000 maintenant au Québec. Tu dois payer ta taxe de 10 000. Et tu dois porter ton masque, tu vois. Donc, on se foutait de la gueule des femmes voilées en Arabie Saoudite. Il va falloir faire un peu d'introspection, là, hein, je crois. Hein. Et puis, là, la dernière innovation au Québec, donc, qui est devenue apparemment, je veux dire, l'Arabie Saoudite du covidisme, hein, j'ai l'impression. Donc, c'est le wahhabisme covidiste se trouve maintenant au Québec. Avec Legault, là, l'espèce de fou furieux qui gouverne ce pays, qui dit maintenant que les pères non vaccinés doivent se voir privés de garde des enfants. On est chez les fous. On est chez les fous. Oui, oui, tout à fait. Il existe, d'après Jean-Jacques Crèvecoeur, là, qui habite au Québec, là, qui est un lanceur d'alerte que certains suivent peut-être. Et apparemment, donc, le gouvernement québécois, peut-être même canadien en général, refuse l'entrée sur le territoire des non-vaccinés, y compris d'ailleurs des routiers, des camionneurs qui apportent les marchandises nécessaires à la vie au Québec. L'essence, les denrées alimentaires, etc. Ce qui fait qu'apparemment, dans les 2 prochaines semaines, il y aura une pénurie qui, dans pas mal de secteurs, qui va s'accentuer. Donc là, on est vraiment dans la folie furieuse. Déjà, ça c'est un énorme test, on appelle ça les stress tests. Je trouve que tout ce qu'on vit là, c'est un énorme stress test. Et on voit qui réagit comment, quoi. Et tous les gens qui font de la surenchère covidiste, là, ça c'est tous les pays où il ne faut pas aller. Hein. Vous voyez l'Australie, Nouvelle-Zélande, il ne faut pas y aller, hein. Faut pas aller dans ces pays-là. Hein. C'est des pays de tarés, schizoïdes. Ça finira vraiment comme ça va être des dystopies totalitaires absolues, hein. L'Australie c'est un bagne là. On va parler de Djokovic là un peu après, mais c'est un bagne, quoi. Ok, c'est bon, ils sont retournés à leur nature première, quoi. Voilà, donc tant mieux pour eux. Bah c'est leur problème, ils ne sont pas opposés à leur tyran, bon bah ils finiront comme ça. La Nouvelle-Zélande, bon bah là, pareil, avec l'autre, là, avec sa tronche de cheval là, qui léchait le cul, ouais, qui léchait le cul des musulmans là, qui était devenu, bon bah c'est peut-être, elle a tellement aimé l'islam, elle s'est dit je vais faire une version occidentale de l'islam qu'on va appeler le covidisme quoi. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Moi j'ai un peu l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Et le Canada. Donc là, Trudeau-Lande, donc là chez les fous. Et alors les Québécois, ils aiment bien se foutre de la gueule de Trudeau. Bah ouais, une cure d'humilité aussi pour les Québécois, parce que Trudeau, il est à la traîne par rapport aux tarés qui gouvernent le Québec, je veux dire. Voilà. Alors, ils interdisent l'accès de leur territoire aux non-vaccinés. Bah tant mieux. Qui a envie d'y foutre les pieds dans leur trou à rats ? Personne. Hein. Moi le premier, hein. J'aime autant vous le dire. Hein. Donc, j'ai pas du tout envie d'aller foutre les pieds en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Non, non, merci, ça va très bien. Hein. J'ai pas envie de foutre les pieds chez les fous. C'est qu'ils restent entre eux. Donc, très bien. S'ils se claquent mur entre eux, voilà, c'est formidable. Qu'ils restent entre eux, ça sera très très bien. Voilà. Franchement, enfin, les gens se rendent pas compte, mais là, parce que là, ils sont dans la folie, l'ivresse du délire collectif. Là, on est. Enfin, là, c'est le temple solaire. Là. Mais attention, hein, ça aura des conséquences, ça, je veux dire, sur le moyen terme et le long terme, parce que à l'étranger, donc au sens le plus large, les gens, ils regardent hein, ce que font ces pays. Hein. Quand ils les voient prendre des mesures complètement délirantes comme ça, et croyez-moi bien qu'ils réagissent exactement comme je réagis en ce moment, sauf les fous zombifiés, mais je veux dire, l'écrasante majorité des gens, ils disent, voilà, moi, je ne vais pas foutre les pieds dans un pays comme ça. Hein. Donc, ils vont voir hein, leur prestige, leur image, etc. Tout ça, ça part au fond des chiottes, là, en ce moment. Hein. C'est ce qui est en train de se produire. Bien sûr. Vas-y, Alex. Non, je vais juste approuver cette. Vas-y, je t'en prie, Fulbert. D'accord. J'ai une petite remarque en passant. Vous savez, on cite toujours en référence les deux gros bouquins d'auteurs anglais, là. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et 1984 de George Orwell, qui. Les deux, je pense, affirmaient de différentes façons que les gens, les populations, aiment leur servitude. Mais en fait, ça a été observé déjà bien plus loin, parce qu'il y avait Alexis de Tocqueville, dans son livre « De la démocratie en Amérique », qui le dit déjà. Il observe les gens en Amérique et dit mais les gens aiment leur servitude. Ils demandent à être servis. Rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Ce qui nous ramène un peu vers Molière. Hein. Il y a pour une simple raison, la nature humaine ne change pas. Hein, ben là, la nature humaine, elle évolue pas avec les siècles. Ça c'est un peu l'illusion progressiste, faire croire que on va faire advenir un homme. Non, c'est pas vrai. Hein. Les gens, ils sont aussi cons aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, hein, je vous rassure, ou je vous inquiète. Sauf, si je peux me permettre, dans une société réprouvée qui a voulu tirer le peuple vers le haut de façon organisée, systématique. Certaines. Et qu'on déteste aujourd'hui en l'accusant d'un élitisme déplacé, contrairement à notre si merveilleux égalitarisme. C'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Mmh. Alors. Je voulais passer à la rubrique sur l'entropie numéro 4 parce que pour faire vivre un peu cette formidable république putréfiée et mettre en valeur cette magnifique démocratie, il faut donner des exemples. Cette semaine, c'est donc la rubrique numéro 4, c'est la salle juive de la semaine. Alors, haut la main, c'est Emmanuel Wargon, hein, Stoléru, de son nom complet. Alors, c'est Valeurs Actuelles qui cite ça, reprenant d'ailleurs un article du Parisien. Je vous lis ça. C'est pas long, hein. Depuis l'été dernier, le chalet du lac, restaurant dancing, situé dans le bois de Vincennes, aurait connu quelques 180 opérations de police pour des raisons diverses et variées, dont aucune n'aurait abouti, rapporte mercredi 12 janvier le Canard Enchaîné. Autant pour moi. Selon les informations du journal satirique, cette mobilisation conséquente des forces de l'ordre serait liée au confort des nuits de la ministre du Logement, Emmanuel Wargon. Celle-ci, habitante à Saint Mandé se serait plainte du bruit émanant de l'établissement et aurait demandé qu'il y soit mis bon ordre. Toujours selon le Canard enchaîné, la préfecture aurait alors mobilisé les divers services pouvant entraver l'activité du restaurant. Contrôle d'identité, de stationnement, contrôle d'hygiène ou des nuisances sonores ont été menés et même la brigade de répression du proxénétisme aurait été déployée au cours des mois à travers près de 200 missions. Le tout pour un résultat nul. La direction de l'établissement envisagerait donc de porter plainte contre la préfecture pour harcèlement. Contactée par le Canard, les services de la ministre affirment que ce n'est pas elle, mais le maire de Saint-Mandé qui a exigé l'intervention des forces de l'ordre. Il aurait même menacé de faire venir pratiquer les contrôles lui-même, ceux de la police ne relevant pas les infractions espérées. Alors voilà. Privatisation de la police, 200 opérations de police menées sur ordre de la juive Vargon Stoléru, ministre du logement, celle-là même qui dit que le temps du logement individuel est révolu, celle-là même qui, bien sûr, chante sur tous les toits le miracle de l'immigration de masse, hein, les quartiers diversitaires, la mixité sociale hein, dans son quartier friqué là, à Saint-Mandé. Qui n'arrive pas à dormir et qui privatise les flics pour les faire intervenir et faire taire un commerce, un établissement qui respecte parfaitement la loi. Alors je voulais citer ça quand même pour dire à quel point hein, ce peuple est fidèle à sa nature aussi, lui. Qu'est-ce que vous en dites là, comme ça, en passant, là, ministre de Macron ? Là, on est dans le macronisme pur et dur, là. Ouais, c'est beau. On a une belle brochette de fameux ministres. Il y avait eu Castaner. Il y a eu aussi comment elle s'appelle plus récemment Amélie de Montchalin qui avait pris l'avion, sans passe sanitaire parce qu'elle n'était pas vaccinée. Ça avait été dénoncé par Jacques Klosterman, je crois que c'est le fils du pilote gaulliste que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ça? Et qui avait ensuite Amélie de Montchalin qui était reparti à la charge en réaccusant de nouveau les non-vaccinés. Oui, oui, oui, deux jours plus tard, elle refaisait une... oui, exactement, oui, un réquisitoire très, très, très virulent contre les non-vaccinés. Ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y pense, quoi. C'est-à-dire qu'elle se fait pincer non-vaccinée dans un avion, elle est virée de l'avion donc, parce qu'elle n'a pas de passe. Et deux jours plus tard, quelques jours plus tard, alors que tout le monde parle de son cas, elle est de nouveau à la télévision et elle remet une couche dans l'accusation des non-vaccinés. Enfin, on est là. Mais tout se passe bien. Ça va. Démocratique. Alors ça, pour être démocratique, c'est démocratique. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà, je voulais citer un peu le cas de la Vargon, parce que quand même, en termes de juiverie puante, ça se pose bien là. Donc surtout qu'elle est en charge de pourrir la vie des gens en titre de mise du logement, là. Au titre du réchauffement climatique d'origine humaine, bon, on peut encore une théorie hébraïque sortie de nulle part. Elle pourrit la vie des gens, quoi. Je veux dire, ça interdit le chauffage au fioul. Alors les gens qui se chauffent au fioul, surtout dans l'ancien, je veux dire, ils doivent changer complètement leur installation. C'est à coucher dehors, leur truc. C'est ces gens-là, mais moi, je n'en peux plus, quoi. Mais je sais pas, les gens, ils sont... comme on le disait, quoi. Hein, les gens, ils aiment la démocratie. Ils disent rien. Voilà. Ils font quelques... Oui, d'autant que la France a dû réalimenter ses centrales à charbon pendant l'hiver, puisque... Vu qu'elle a fermé certaines de ses centrales dans Fessenheim, il manquait d'électricité. Alors pour faire de l'électricité, on a, malgré l'augmentation du prix, substantielle de 40%, je crois, du prix de l'électricité, il a fallu donc réouvrir des centrales à charbon dont on connaît l'impact ou l'empreinte, comme on dit, écologique. Hein, bon. Oui, enfin ça c'est le pilotage de la. Oui, voilà, c'est le grand numéro là. Parce que la politique énergétique consistait en fait à dénucléariser. On ne sait pas pourquoi. Bon, finalement, on se rend compte que le nucléaire, c'est pas si mal. Alors il faut renucléariser, sauf que bon, renucléariser, ça, c'est pas juste comme ça. Tiens, on a besoin d'une centrale nucléaire, tu vois, c'est, ça marche pas comme ça. T'as besoin d'une centrale nucléaire, ouais, bah il faut le planifier, il faut le budget, faut, c'est parti quoi, tu vois, mais ça prend des années quand même. Alors là, bon, là ils sont tous pris de court parce que c'est de la planification en fait, c'est de l'intelligence à long terme, le nucléaire, hein, par définition. Bon, alors ils sont tous là à poil, ils savent pas comment faire. Il y a une inflation délirante. Il n'y a pas d'explication, t'as EDF qui tarifent parce qu'ils sont même obligés, tout simplement, il n'y a pas le choix, il y a une pénurie, elle traverse toute l'Europe, donc là forcément voilà, et là t'as tous les cons d'écologistes, ils ont pas honte, hein, je veux dire, Jadot est sur les plateaux de télévision, il est très à l'aise, tout va bien, c'est un asile, ce pays est un asile, on est chez les fous, vraiment, on est chez les fous, il n'y a rien qui est géré comme il faut. Mais absolument rien, au contraire, ils s'acharnent, enfin, on dirait que les légions de Satan se sont déversées sur la France, et que tous ces démons s'attellent à tout rendre plus fou que la veille, quoi. Et là, je voyais Bruno Le Maire est très satisfait de son bilan, par exemple, vous voyez, en tant que ministre de l'économie. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais vous avez un ministre de l'économie, je vous apprends un truc, il a un bilan, je vous apprends un deuxième truc, et paraît-il qu'il est excellent, je vous apprends un troisième truc, qui est celui par définition, de Macron par association, même si Macron risque peut-être de dire qu'il n'est pas du tout au courant de ce fameux bilan, qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, qu'il n'a rien à voir avec ça. C'est possible, hein, je veux dire, au point où on en est. Et alors, j'ai vu que le COMEX extérieur français, je ne sais même pas s'il y a encore un commerce extérieur, pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus, en fait, parce que c'est tellement négatif. Je crois que la France ne vend plus rien à l'étranger. Hein. Le peu qu'ils vendaient, c'est des produits de luxe, mais comme ils ferment toutes les pénuries, enfin à cause des pénuries, du foutoir intégral covidiste, la demande se raréfie. Donc bon, même ça, je ne suis pas sûr que ça se vende encore. Alors, ils creusent les déficits, et paradoxalement, ils impriment comme des dingues. Ils s'endettent à des niveaux pas possibles. Alors évidemment, si vous vendez rien, que vous importez tout, et que vous n'avez pas le premier sou pour payer ce que vous importez, vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas bien se passer, normalement. Enfin, je pense qu'on est là, il n'y a pas besoin d'être quand même très, très, très savant en économie pour se rendre compte qu'il y a un problème d'équilibre budgétaire. On est bien... Eh bien, pas du tout, tout va bien. Et en plus, si vous ajoutez à ça l'inflation, bien sûr, les pénuries, les coûts de l'énergie... Enfin, c'est la recette miracle pour tout faire sauter, quoi. Et non, tout va bien. Bruno Le Maire est très, très content de son bilan. Il insiste, hein, il dit non, t'es très, très bon. Donc voilà. Ouais, bon, avec ça, la Vargon. Mieux vaut garder son emploi, parce que si on le perd, Monsieur Estrosi voudrait nous supprimer notre chômage. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Oui, enfin, un emploi, y en aura-t-il encore en France? Je me pose la question, parce que là... Non, mais en fait, le bilan de Macron économique, c'est cataclysmique, parce que... Donc, Macron prend les commandes en 2017. Enfin, il les avait un peu avant, parce qu'il était ministre de Hollande, c'est-à-dire, mais bon, voilà. Il a quand même plombé la France de 600 milliards de dettes directes. Hein. Il y en a d'autres qui sont invisibles, mais bon, 600 milliards, bon... Il emprunte la différence, mais ça vient avec des intérêts. Tout ça pour maintenir l'existant. Bon, tu auras le déficit, tu dis, putain, ils font des investissements de cinglés, c'est pas possible avec tout le fric qu'ils empruntent. Pas du tout, pas du tout. Non, c'est juste pour foutre des rustines à droite à gauche, faire plaisir à des artistes tailleux, des nègres de banlieue, voilà, acheter des journalistes, enfin, arroser le truc, voilà, donner du pognon aux cafetiers, parce que leurs commerces sont vides, parce qu'on les a fait fermer administratifs. Bon, je vous dis, mais les gens ne sont pas inquiets, hein. Moi, je regarde un petit peu les réactions des gens, ici ou là, sur les réseaux sociaux, et ils sont pas inquiets. Ils sont pas inquiets. Ils sont inquiets de leur masque, par contre, là. Ils font mal de masque, tu vois. Mais ils sont pas spécialement... tu vois. Alors, je sais pas, il y a que moi qui vois le Titanic couler ou quoi, je me pose la question, parce que... Non, mais tout va bien. Il faut avoir confiance en Erich Honecker, disait aussi certains Allemands de l'Est, juste avant que le bateau coule, hein, on pourrait aussi citer des absurdités, parce qu'il y a beaucoup de parallèles effectivement entre les régimes communistes dans la RDA et l'actuelle et l'actuelle France. Hein. Bon, par exemple, c'était le Parti communiste qui achetait, mettons, j'avais eu l'exemple d'un lapin. Les représentants du parti venaient voir le fermier, lui achetaient par exemple un lapin, comment dire, à 5 marques de l'Allemagne de l'Est, et puis le revendaient après sur le marché à 3 marques. C'est-à-dire qu'en fait, ils finançaient. C'était un truc. Non, mais on en rigole, mais c'est ce qu'ils font en France. Hein. Bah oui, grosso modo, on fait tout pour se saborder. Donc au bout d'un moment, bah même s'ils sont incompétents, ils y arrivent quand même à se saborder. Donc... ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut un certain talent quand même pour arriver à scier la branche sur laquelle on est assis. C'est pas donné à tout le monde, mais je crois qu'on va y arriver quand même. Ah là, il la scie plus là. C'est la tronçonneuse là qui sont en train de bousiller l'arbre sur lequel ils sont juchés. Hein. J'espère que la tronçonneuse c'est écologique parce que sinon. Hein, Non, mais c'est là que ça fait la jonction avec l'alternance, parce que tu sais que peu importe le chef d'orchestre qu'ils vont mettre à la suite de Macron, la plus probable étant Pécresse, si alternative il y a, mais qui n'est pas par définition une alternative, c'est la continuité, t'es sûr que la musique va continuer, quoi. Mais donc c'est l'orchestre sur le Titanic va continuer à jouer la valse, mais bon, je veux dire, c'est... Mais les gens sont contents, hein, ils ont pas, c'est ce que je dis, hein, ils sont pas, ils sont beaucoup plus obsédés par la peur de croiser quelqu'un qui aurait le Covid ou qui serait pas vacciné, parce que comme le disait le cardinal Derrick la semaine dernière, 56% des Français ont peur des non-vaccinés. Ce pays de dingue quand même. Quoi. Imaginez quoi, je veux dire, on est chez les tarés quoi. Non mais on n'y croit pas, mais on y est quand même, hein, jusqu'au cou quand même. Hein. Enfin bon. Alors messieurs, quitte à y être, autant enchaîner. Rubrique numéro 5, Occident. Hein. Oui, là on est à fond dans l'Occident, toujours dans le macronisme d'ailleurs, idéologique. C'est Zineb El-Razoui, vous connaissez peut-être cette beurette laïcarde proche de Charlie Hebdo, complètement refaite au bistouri, qui est un peu l'égérie de l'algérienne sans l'islam. Vous savez, vous avez donc la guerre sans l'aimer, la démocratie sans l'aimer, l'Algérie sans l'aimer aussi, vous voyez, avec Zineb El-Razoui, c'est possible. Peut-être... Il y a un peu ce mythe qui vit. Dans tout petit patriote saucisson pinard français, il y a un peu l'espoir de découvrir dans une Algérienne une mangeuse de cochon. Hein. il y a cette petite espérance qui vit. Et alors, grosse déception, puisqu'elle avait été un moment portée à nu. Elle avait été portée au nu par la presse de droite, hein. Comme justement une espèce de nouvelle Jeanne d'Arc algérienne, en raison de son refus de l'islam et de l'islamisme. Donc la beurette laïcarde, hein, vraiment, très très bruyante sur le sujet. Et pas de bol, hein, là il y a eu une redescente assez, assez brutale, puisqu'elle a tweeté ceci le 16 janvier. J'ai décidé de m'engager pleinement pour le président Emmanuel Macron et sa réélection. C'est le choix du cœur et de la raison. La France en a besoin. Alors, tout ça pour ça, en fait. Moi, ça m'amuse parce qu'on en a parlé beaucoup de Zineb El-Razoui il y a peut-être un an de ça, quand il y avait tout ce numéro, justement, autour... des beurettes émancipées anti-islam sur laquelle Valeur Actuelle faisait ses couvertures, ses articles. Et là c'est la douche froide. Hein. Non, en fait, elle soutient Macron, comme le Printemps Républicain soutient Macron. Le Printemps Républicain, en fait, c'est tous les laïcars autour de Valls à la botte des Juifs, qui n'aiment pas trop les barbus, ils n'aiment pas trop ça. Non, voilà. Enfin, ça dépend lesquels. Ils aiment les rabbins, mais ils n'aiment pas les imams, en fait. Et voilà, donc, Zineb El-Razoui, macroniste. Alors, est-ce que peut-être Alexis aurait un truc à dire là-dessus? J'ai suivi son... Je connaissais le nom, je savais qu'elle avait été, mais je n'ai pas suivi davantage, mais effectivement, bon bah. Alors, est-ce qu'elle a fait parce qu'on lui a promis un job, je ne sais pas. Bon, en tout cas, si tel est le cas, ses convictions ne sont, enfin, sont relativement fragiles. Hein. Elles peuvent changer assez vite avec un petit chèque. Hein. Alors en fait, elle s'était fait poisser dans une histoire pas possible parce qu'il y avait l'islamiste Idriss Siamedi, proche des frères musulmans, qui l'avait un petit peu dévoilé, sans mauvais jeu de mots, parce que, elle est liée à toute une série de réseaux, etc. Il y avait des histoires de fric, ça passait par le Maroc et compagnie, genre des résidences planquées, enfin bon. Tout ça n'était pas très islamiquement correct, on va dire. Et donc... Idriss Siamedi a vu les flics débarquer, il a fini au tribunal, etc., alors qu'il s'est simplement contenté de poser des questions. D'accord ? Ça s'était très mal terminé, d'ailleurs, pour lui. Hein. Enfin, il est encore vivant, je veux dire, mais ils ont tout de suite envoyé la cavalerie pour intimider le barbu insoumis. Et donc, El Razoui est complètement dans les réseaux juifs et maçons de l'ordre établi et du macronisme, hein. Voilà, donc maintenant c'est le moment de rendre l'appareil, parce qu'évidemment, avec tous ses passe-droits, sa nouvelle vie, etc., hein, voilà, ça tombe pas du ciel, hein. Il faut aussi y mettre du sien, donc voilà, donc elle passe à la caisse, hein. Donc il faut soutenir Macron, et c'est comme Valls. En privé, il déteste Macron, hein, faut pas se mentir, hein, il déteste Macron, Macron le leur rend bien, parce que Macron méprise les laïcars, hein, faut le savoir, hein, il a aucune espèce d'affection pour ces gens-là, mais il compose avec, donc c'est les Fourest et compagnie, hein, c'est vraiment toute la bande, parce qu'en fait, tout simplement, c'est de la politique politicienne, hein, il faut s'acheter des supporters, faut s'acheter des fans. Voilà, il leur donne des petits gris-gris, des petits hochets, des commissions, de la visibilité médiatique, ils sont contents. Fourest est chez Pujadas où elle ouvre sa gueule pour raconter ses conneries. Bon, ça c'est Macron, hein, voilà. Et en échange, elle dit, ah là là, le président il est vraiment bien, hein, voilà. Donc c'est du narcissisme. De toute façon, Fourest c'est vraiment une saloperie, hein. Humainement c'est une saloperie. Hein. Je veux dire, elle est nulle et en plus, elle est nulle, menteuse. Lesbienne, bien sûr, mais surtout parce qu'elle traînait dans les guettes de Charlie Hebdo, mais attention, c'était la stagiaire. Hein. Elle s'est fait un nom sur leur cadavre. C'est vraiment laid, quoi. Hein, c'est vraiment laid, quoi. Ça pue l'opportunisme. Et puis c'est le narcissisme, surtout, quoi. C'est le besoin d'étaler sa gueule sur les écrans, quoi. Ils vivent pour ça, quoi. Hein. Ils vivent pour ça, hein, pour rien d'autre. Hein. Si, la détestation des gens qui sont pas à leurs ordres aussi, bien sûr. Et voilà, et donc Macron leur cède un onos, quoi. Et El Razoui, c'est ça. Voilà. Alors tous les gugus qui croient que parce que ça aboie après l'islam, vous voyez, c'est de leur sensibilité, mais non, pas du tout. Je veux dire, l'anti-islam, c'est pas un projet de société, l'anti-islam, quoi. C'est pas un projet de société. Être contre l'islam, c'est pas un projet de société. D'accord ? Voilà, c'est pas parce que quelqu'un dit être contre l'islam que c'est votre ami. Voilà. Et elle, c'est une beurette. Elle a aucune sympathie pour les racistes. Ou même pour les petits blancs, dont on a strictement rien à foutre. Elle, c'est une parisienne qui a envie d'en manger, quoi. C'est tout. Voilà. C'est le microcosme parisien, point barre. Voilà. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre d'un petit blanc d'Auvergne ou de Normandie qui est assailli par ses frères de race algériens ? On n'a rien à foutre. Bien évidemment. Et ça, c'est dur à rentrer, quand même. Hein. C'est dur à rentrer dans les caboches. Voilà. Donc la droite saucisson pinard en deuil. Ils ont perdu une égérie, là. Est-ce que vous avez quelque chose ? Vas-y, Fulbert, je t'en prie. Elle pose sa candidature pour un éventuel portefeuille, peut-être pas ministériel, mais bon, c'est un petit peu à l'image, rappelez-vous, lorsque Macron s'est présenté aux dernières élections, comme tu l'as dit, il sortait de nulle part, ou pratiquement, il y a des tas de gens qui ont compris que Macron, créant son propre parti. C'est curieux d'ailleurs, si on remonte plus loin dans le passé, il y a d'autres présidents qui ont créé leur propre parti pour se faire réélire, ou se faire élire, rappelez-vous. Mais il y a des tas de gens qui ont compris, avec Macron, qu'il y avait des places à prendre, des petits portefeuilles à saisir à gauche, à droite, et qui sont sortis eux aussi du néant, qui ont été invités dans différentes émissions de télévision, où ils ont pu démontrer leur totale nullité, rappelez-vous. Beaucoup de femmes dedans, d'ailleurs, hein. Désolé les filles, mais c'est comme ça. Et Jeannette El-Razaoui, elle suit la même voie. Elle se dit que Macron va être réélu, et bon, si elle parle assez fort et assez haut, avec un peu de chance, boum, quoi. Ouais, je crois qu'elle a eu un nonos, là, déjà. Tout ça, c'est des renvois d'ascenseurs, c'est le bal des vampires, quoi. Oui. Voilà, donc... ce que je veux pointer du doigt, c'est la naïveté de ceux qui pensent que parce que... c'est la logique binaire, quoi. Voilà, t'es contre l'islam, donc t'es mon ami. Non, il y a un paradigme qui existe, qui est le paradigme racial. D'accord ? Donc c'est une Algérienne, c'est une immigrée. D'accord ? Ce n'est pas une Française de souche. Elle n'est même pas française, d'accord. On peut lui filer tous les papiers. C'est pas une française, d'accord. Elle n'est pas normande, elle n'est pas bourguignonne. Ça vient d'ailleurs. C'est des pièces rapportées de la métécocratie cosmopolite qu'on appelle la République et qui est aux mains des Juifs. Ok. Donc, si vous remarquez d'ailleurs dans le registre, la République, ces dernières années, et ça c'est logique, c'est connu dans les efforts de contre-insurrection, il y a un effort de cooptation. De harkis, donc de recrutement d'Algériens, de Nord-Africains ou même de Noirs pour servir la soupe du régime républicain et reprendre les slogans du régime. D'accord ? Donc voilà, donc on en voit les tirailleurs, c'est pas fini, hein. Les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs nord-africains, il y en a toujours, il n'y a pas de problème, ils sont là, ils sont bien présents. Ils sont recrutés, et plus que recrutés. Zineb El-Razoui et allez savoir tous les autres, là, voilà. Et donc les tirailleurs, ils sont là, et ils expliquent, alors ils expliquent au petit blanc que le racisme, c'est très mal, donc tu vois, le petit indigène blanc gaulois, il faut qu'il ferme sa gueule quand même, hein, parce que maître juif a décidé qu'il y aurait des étrangers dans son pays, donc il doit s'écraser. Mais c'est vrai que quand même, hein, les nouveaux venus, notamment musulmans, sont un peu remuants, on vous l'accorde, c'est vrai. Donc, il faut des cours de maintien. Voilà, il faut recadrer tout ça. Et c'est là qu'interviennent les mêmes tirailleurs sénégalais pour expliquer aux bougnoules de bien se tenir. Mais reste au milieu du dispositif le juif, ses compagnons de route que sont les républicains, c'est-à-dire les maçons, les politicards de tous bords, les opportunistes, le réseau des homosexuels, etc. Et voilà, c'est tout. Voilà. Mais on en a beaucoup, on en a de plus en plus d'ailleurs sur les... Moi je regarde les médias français, il n'y a plus que de ça. Ça ne vient pas de nulle part, ça c'est des ordres qui sont donnés. Hein. On leur dit, voilà les gars, il faut mettre des Arabes et des Noirs sur les écrans. Voilà, il faut que vous en foutiez partout. C'est ce qu'a fait Arnaud à France Télévisions, là. Elle en fout partout. C'est pour faire croire à Ginette et à Robert que la diversité... Ils sont compatibles avec les valeurs de la République. C'est tout. On tape sur la rétine de Robert et on lui dit, tu vois, la beurette, elle est pas si mal. Hein, t'as vu, c'est une républicaine en plus là. T'as vu, elle est française comme toi et moi depuis tout le temps, quasiment plus française que Jeanne d'Arc même. Voilà. Et Robert, il croit. Hein, il dit, ah ouais, c'est vrai. Oh, elle parle bien. En plus, elle aime pas les islamistes. Hein. Bon, les islamistes, c'est ses frangins, mais bon. On n'a pas expliqué ça à Robert, évidemment. Ok, voilà. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, le patriotisme, saucisson pinard, Diego, la France, tout le monde, il est français, il faut juste aimer le drapeau. Et voilà, allez, au fumier, hein. Voilà. En tout cas, sans moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon, je passe mon tour. Enfin bon, c'est la démocratie finissante, hein, je veux dire, c'est ça, hein, c'est la démocratie finissante, donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Hein, mais, voilà, donc c'est rigolo de voir un peu les gens tomber des nues. Bah, putain, c'est vous dire à quel point on peut les rouler dans la farine. Hein. Ah ouais. Eh ouais. Alors, ah oui, ça m'a fait marrer, je suis quand même obligé d'en parler, j'hésitais, mais quand même. Mila, vous connaissez Mila ? Exactement le registre que Zineb El-Razoui. C'est la lesbienne que l'État islamique veut décapiter. Parce qu'elle s'est foutue de la... Elle a déclaré qu'Allah, je sais pas quoi... Enfin, je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit sur le prophète de l'islam. Enfin, je sais plus. Bon, j'ai plus les propos en tête. Mais bon, elle avait insulté les musulmans, insulté la... la religion des musulmans. Le dieu des musulmans et le prophète des musulmans. Depuis, les musulmans veulent lui couper la tête. Comme quoi, c'est des bons musulmans, je veux dire. Donc, elle essaye un peu d'exister. Et alors là, il y a eu une consécration, c'est que maintenant, Mila, sur Instagram, appelle ses followers. Elle en a quelques dizaines de milliers qui le souhaiteraient à acheter ses petites culottes sales et odorantes, moyennant du cash. Alexis, c'est peut-être pour toi. Toi, t'es très traditionnaliste. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Là, j'ai l'air fait. Ah, j'ai pris. C'est les misères de l'anti-islam, hein, de Inès El-Razoui, Mila. Là, il suffit pas d'être anti-islam pour être quelqu'un de vertueux. Enfin, après, ça dépend ce qu'on entend par vertueux, mais en tout cas, c'est. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui vont tomber dans le panneau, qui vont acheter. Ah non, mais ça, je sais. Non, mais le truc, c'est que, bon, elle est lesbienne, la Mila, officiellement, tout en étant, ça dépend des jours, tout en ayant, dit-elle, un petit ami algérien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, mais c'est ce qu'elle affirme, en tout cas, publiquement. Non, mais le truc, là, qui est, là, on est à l'intersection de la démocratie multiculturelle, postmoderne, là c'est vraiment le féminisme terminal. Et si le match c'est ça contre l'islam, bon bah l'islam va gagner, hein, parce que faut comprendre ça, entre un truc destroy comme Mila, Gwyn, enfin ultra féministe qui dit tout le bien qu'elle pense des juifs. Et qui vend ses culottes dégueulasses à des gens sur internet. Et de l'autre côté, l'islam patriarcal est prolifique. Il y a quand même un des deux groupes qui est prolifique, justement, vous voyez. L'autre un peu moins, quoi, voilà. C'est quand même très révélateur. Parce que là, on est sur la ligne de fracture du féminisme, quoi. En plus, c'est un peu la prostitution du pauvre. Parce que jadis, les bordels étaient légaux en France. Et même d'une manière générale en Europe, ils étaient légaux, les bordels. Donc, quand t'étais un client de ce genre de choses, bah, t'en avais au moins pour ton fric. Alors que maintenant, dans le féminisme, dans cette société féministe, la prostitution a été abolie au nom du féminisme, hein, sachez-le, en 1946, hein, elle a été abolie au nom du féminisme. Hein. Donc, elle est officiellement interdite. En même temps, et paradoxalement, on ne la criminalise plus. C'est paradoxal. Donc, la prostitution est interdite par la loi, depuis 1946, sous l'influence des féministes. Et en même temps, quand on surprend une prostituée et son client, il n'y a plus de condamnation au motif qu'on ne peut pas poursuivre une femme qui se prostitue précisément parce qu'elle est libre de son corps. Et on n'appelle plus ça une prostituée, mais une travailleuse du sexe. Notez l'effort de la neuve langue. Donc les tribunaux ne poursuivent plus les putes pratiquement, etc. Donc là, on est dans un système qui est fait par les femmes et pour les femmes, dans lequel, en fait, officiellement, il n'y a pas de prostitution, mais où il y en a, mais qu'on ne peut pas poursuivre, en dépit de la législation. Mais même ça, tu ne peux plus l'avoir, entre guillemets, parce que les exigences des candidates à la prostitution vont tellement loin qu'elles ne veulent même plus le rapport physique. Ce qui est quand même pas piqué des hannetons, quoi. Donc maintenant, t'as la prostitution, mais indirecte, par le biais, effectivement, de ça, vendre des slips, des machins comme ça. Ce qui fait que t'as le type qui est en... Le type en souffrance, bon, il achète ça, donc il crame son fric, mais il a pas de rapport physique, que dalle. L'autre qui vend ça peut prétendre être aussi vierge que comment dirais-je, que la mère du Christ, hein, dit bon alors quoi, moi j'ai jamais eu de rapport avec quoi qu'est-ce, quoi, et elle encaisse. Ah, c'est formidable, franchement c'est formidable, quoi. Alors à côté, les musulmans et leur polygamie, moi je veux bien, mais parce que paradoxalement en France la polygamie est toujours interdite, je veux dire, ce qui est quand même moi ça me laisse songeur, quoi, dans ces conditions là, quoi. Parce que je vois pas en quoi un mec qui a deux femmes, imaginons, enfin un musulman qui a deux femmes légalement, avec les contraintes que ça implique, serait un plus grand salopard qu'une traînée qui vend ses slips sur Internet parce qu'elle a pas envie d'aller jusqu'au bout de sa logique, mais elle veut quand même le blé, en abusant de la faiblesse des hommes qui trouvent rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me voilà. Donc tout ça étant le fait, je le dis bien, hein, de Mila, donc la... comment dirais-je, la passionnariat de la laïcité, enfin, une d'entre elles, puisqu'il y a Zineb El-Razoui, etc. Bon, j'étais un peu long, mais ça me... Je reste interdit devant ce truc-là, quoi. Oui, oui, tout à fait. Bah, il y a un certain nombre de patriotes, saucisson pinard anti-islam aussi, qui aiment bien dire, oui, la française, elle sort, elle fume des cigarettes, elle va boire des verres, sous-entendu, bon, bah, elle couche aussi avec le premier venu, mais... sauf que ça, c'est une définition qui est quand même à très court terme, c'est-à-dire que c'est une définition qui... Enfin, c'est une attitude, effectivement, de jeunes françaises qui existe beaucoup depuis 68, et encore, dans les années 70, ça se faisait quand même pas tout le temps, parce qu'il y avait encore souvent une tutelle parentale, ou alors... où c'était mal vu, tout simplement, de faire comme ça, de sortir comme ça, dénuder, tout ça, bon, de faire ce qu'on veut... Mais justement, ce type d'attitude était assez rigoureusement condamné il y a vraiment pas très longtemps. Donc de dire la française, c'est une fumeuse qui sort et qui couche, etc. Oui, enfin bon, la France, elle n'existe pas depuis hier matin. Hein, je veux dire, c'est quand même quelques siècles d'existence. Donc c'est une vision très, et qui n'a pas, c'est une vision de court terme qui n'a pas fait l'épreuve de sa, comment dire, de sa pérennité dans le temps, puisque là, on voit la laïcarde. La laïcarde lesbienne, donc si elle est lesbienne, bah, probablement elle n'aura pas d'enfant, bon, qui en est réduit à vendre ses sous-vêtements. Bon, c'est pas forcément un modèle de civilisation qui va nous mener au top. Marine Le Pen pense que si. Hein. Maintenant, Mila, elle va peut-être aussi faire son entreprise, sa start-up, avoir des employés. Et qui sait, avec un peu de développement, peut-être même que... Les Françaises pourront exporter leurs petites culottes odorantes à travers toute l'Europe et peut-être plus loin, à savoir. Attention, parce que qui dit française dit aussi maintenant très souvent des négresses. Pour et puis là, les odorantes. Oh putain! Avec une négresse, Eva dit, c'est quoi, c'est ta serviette de table? Non, c'est mon slip. Ah, d'accord, ok, bon, ben, d'accord. Il y a un steak quand même dessus, là, vous avez remarqué, non? Oh, au secours. Ah bon, voilà, bon, c'est anecdotique et en même temps révélateur. Donc voilà, donc j'imagine qu'elle aussi va appeler à voter Macron, je sais pas, non. Elle a chié sur Zemmour, Mila, récemment, là. Elle a dit « Zemmour, facho, raciste, etc. » Je sais pas si ça va la sauver, mais... Elle a peut-être pas compris le principe de la fatwa. La fatwa, c'est... Tu peux pas revenir en arrière dessus, hein. C'est... À moins de ramper, quoi. Mais là, elle a pas pris le chemin de l'excuse. Alors, messieurs, dernière rubrique, tyrannie sanitaire. Parlons un peu de l'Australie. On en a fait allusion un petit peu au début de l'émission. Point numéro 1, Djokovic expulsé. Alors ça, c'est l'actu du jour. Et même de la semaine, ça a été un feuilleton. Alors, je lis le journal Le Monde, article de ce jour, hein, de 16 janvier, pardonnez-moi. C'est la fin d'un long feuilleton. Le recours de Novak Djokovic contre son expulsion a été rejeté par la Cour fédérale dimanche 16 janvier, donc en Australie, sans appel possible. Les trois juges de la Cour ont confirmé à l'unanimité la décision prise vendredi par le ministre de l'Immigration d'annuler le visa du Serbe de 34 ans pour des raisons d'intérêt public. Le numéro 1 mondial du tennis ne pourra donc pas disputer lundi l'Open d'Australie, où il comptait remporter un 21e titre du Grand Chelem, établissant ainsi un record. Je suis extrêmement déçu de la décision de la Cour de rejeter mon appel de la décision du ministre d'annuler mon visa, a fait savoir le joueur dans un communiqué publié dimanche. Je respecte cette décision et je vais coopérer avec les autorités compétentes en ce qui concerne mon départ du pays. Je vais maintenant prendre du temps pour me reposer et récupérer, a ajouté le joueur, dont la carrière pourrait pâtir de ce revers, nous dit le journal Le Monde du banquier juif Pigas. Le gouvernement australien s'est quant à lui félicité de sa victoire. La politique ferme de protection des frontières de l'Australie nous a maintenus en sécurité pendant la pandémie, a affirmé le ministre de l'Immigration Alex Hawke dans un communiqué. Les Australiens ont fait de grands sacrifices pour en arriver là et le gouvernement Morrison est fermement décidé à protéger cette nation. Cette position, pardonnez-moi, a-t-il ajouté. Voilà. Alexis, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation autour de Novak Djokovic ? Oui, d'abord, encouragement et pensée pour Novak Djokovic, qui est quelqu'un d'un peu à part dans le monde du sport. C'est quelqu'un de très grand talent, qui a déjà gagné 20 titres du Grand Chelem, donc c'est la même chose que Nadal et Federer, mais Djokovic est plus jeune, donc il a encore plus de chances de dépasser ce chiffre. C'est quelqu'un qui avait dit dès le départ, quand il a entendu parler de vaccination concernant le Covid-19, il avait exprimé un scepticisme, une suspicion, et en fait, il s'est tenu à cette position, c'est-à-dire que lui-même ne s'est pas vacciné. Il aurait très bien pu facilement faire un faux pass, etc., comme la plupart, à mon avis, des joueurs l'ont fait, mais il a gardé ses positions et il a réussi, malgré la persécution dont il est l'objet, il a réussi tout simplement à démontrer l'imposture et la tendance dictatoriale et hystérique d'un gouvernement covidiste en Australie qui n'est pas le seul malheureusement dans le monde, mais qui est très radicalisé. Donc bravo à lui. Alors, il faut préciser qu'il avait fait un appel. Il y avait une première décision de l'expulser. Il avait fait appel et la justice australienne lui avait donné raison, hein, en disant que voilà, il avait respecté tout ce qu'il devait respecter. Et donc, face à ce désaveu, le gouvernement australien a simplement utilisé de l'arbitraire, alors qui lui est permis, hein, par la loi australienne, c'est-à-dire qu'il a le droit de prendre une décision arbitraire, de dire voilà, on veut pas de vous chez nous, sans motivation, sans explication, mais effectivement ils ont cette possibilité-là, mais ils ont été obligés de recourir à l'arbitraire pour le chasser du pays. Mais évidemment, ça l'ombre de Djokovic va porter sur le tournoi, c'est inévitable. C'est-à-dire que un des principaux protagonistes du tournoi n'est pas là, simplement parce que l'arbitraire covidiste l'a décidé. Donc on peut dire que cet Open d'Australie est déjà fini, en fait, il est déjà terminé, en fait. C'est un prix au rabais. Et j'observe d'ailleurs l'attitude de Nadal, cette petite saloperie, qui a dit ouais, en gros, il connaissait les règles, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça révèle vraiment, c'est là qu'on voit qui est qui, quoi. Hein. Donc, finalement, il participe pas, mais moralement, il l'emporte, en fait. Et je pense que l'histoire du sport sera beaucoup plus généreuse avec Djokovic qu'avec des gens comme Nadal, etc., qui, en fait, font des petits calculs d'apothicaire en se cachant derrière un légalisme de façade, en fait. Voilà. Nadal s'affiche avec, de même que Federer, d'ailleurs, Ils ont fait des matchs exhibitions avec Bill Gates, hein, sont affichés. Donc là, on a peut-être aussi des éléments pour comprendre, parce que lui, Djokovic, s'affirme non seulement comme un sportif, mais comme un Serbe. Alors la nation serbe est décrite souvent comme une nation de barbares, de gens cinglés qui ont assassiné des musulmans, etc. Bon, c'est des gens qui ont défendu souvent leur pays, alors parfois assez souvent contre les forces germaniques d'ailleurs, lors des deux guerres. Donc on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait nos alliés, mais en tout cas, c'est des gens qui ont fait preuve de courage. Et Djokovic s'affirme fièrement serbe, fier de l'histoire de son pays. Il s'affiche aussi très clairement chrétien orthodoxe, il affiche sa croix. Il est fier aussi d'un des grands savants du pays, qui est Nikola Tesla, qui a laissé son nom maintenant, bien après sa mort, au véhicule. Mais au-delà de ça, c'était quelqu'un qui était un grand spécialiste des fréquences, des ondes, et Djokovic est quelqu'un aussi qui défend des thèses un petit peu alternatives concernant l'alimentation, la nourriture, le bien-être, la méditation. Donc c'est quelqu'un qui est un peu, par rapport à Big Pharma et autres, qui a un regard critique. Et ça, on a voulu le lui faire payer. Donc il s'agit évidemment d'une forme, on pourrait dire, de racisme, en tout cas de c'est une persécution parfaitement ciblée, hein. c'est pas au hasard. Bien sûr. Alors, dans le festival aussi, bon, j'ai vu évidemment les gens qui ont réagi, il y a des gens qui sont là. Moi, j'aurais beaucoup les commentaires. En Australie, c'est délirant, mais même chez nous, hein. Pas de passe droit, etc. Cette espèce de plébiscite pour l'ordre, mais pour l'ordre, simplement pour l'ordre. L'ordre pour l'ordre, en fait, indépendamment du pouvoir qu'il sert ou des objectifs qu'il se donne, quoi. Voilà, il faut. Voilà. Du légalisme. Ouais, c'est du légalisme pur, et ça, c'est vraiment des réflexes de zombies qui me mettent hors de moi. C'est insoutenable, quoi, de devoir subir ce type de réflexion. Il a qu'à retourner dans son pays, il connaissait les règles. Il y a des tas de crétins finis qui répètent ça comme des demeurés. Moi, je vous dis, j'espère que ce vaccin va tenir toutes ses promesses. Hein. Alors, Luc Montagnier m'a promis beaucoup de choses, donc j'espère que ça va se passer comme ça. Il m'a promis Creutzfeldt Jacob. Moi, j'espère. Hein, j'espère que Creutzfeldt Jacob... comme on dit, prions. Hein. Oui, prions, oui, exactement. C'est un beau jeu de mots, prions. Parce que là, il y a des gens qui ont besoin de douiller, hein, quand même. Hein, parce que quand on arrive à ce degré de plébiscite, j'allais dire de la trique, mondialiste, devant les évidences. Bon, bref, non, là, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui passent du fait de leur propre politique, quoi. Je veux dire, sous l'effet du vaccin, hein. C'est absolument. Ouais. Non, mais il faut qu'ils passent à la caisse pour la politique qu'ils soutiennent. Tous ces connards là qui sont en train de dire ah bah c'est bien fait pour sa gueule, etc. Non, mais il faut qu'ils goûtent à leur truc. Donc oui, vive les effets secondaires, vive Creutzfeldt Jacob, vive les longues morts sous l'effet du vaccin. Oui, vive tout ça. Il est temps que ces gens-là bouffent leur propre thérapeutique. Oui, d'ailleurs, en matière de tennis, il y a un joueur professionnel français, Jérémy Curly, qui avait défendu les couleurs de la France dans les 100 meilleurs mondiaux, qui avait été victime de graves effets secondaires, à tel point qu'il ne pouvait plus s'entraîner. Et vu qu'il approche les 35 ans, sa carrière est peut-être terminée. Au sujet des tennismen français, je voulais aussi citer un certain Pierre-Yves Herbert, ou Pierre-Hugues, je ne sais plus, enfin, c'est un nom composé en tout cas avec Kern, non ? Qui est un des meilleurs joueurs de double au monde et qui est aussi un très convenable joueur de simple et qui avait refusé de se faire vacciner, mais sans être pour autant très radical dans son discours, mais en disant qu'on n'avait pas de recul, que lui, il voulait pas risquer et tout ça. Et donc, lui, il n'a pas fait le déplacement en Australie. Donc, il y a quelques personnes comme ça qui se sont tenues convenablement, mais la plupart des joueurs, effectivement, Nadal a été vraiment infect Mais beaucoup de joueurs également n'ont pas voulu se mouiller. Bon, c'est un petit peu décevant. Et effectivement, la postérité, à mon avis, fera de Djokovic non seulement un grand sportif, mais aussi une très forte personnalité qui aura incarné la résistance au nouvel ordre mondial. Bah, c'est très courageux parce que pour lui, dans sa position, c'est beaucoup plus facile de céder. Donc c'est ça que tous ces abrutis qui sont en train de bêler là comme des idiots ne mesurent pas, sont incapables de mesurer là le cul assis dans leur canapé. C'est que pour quelqu'un comme Djokovic, c'est beaucoup plus la solution de facilité, c'est de se piquer. C'est pas de se perdre dans des complications ou des bras de fer avec des gouvernements, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui, pour le coup, c'est le cas de le dire, qui monte au filet, qui n'hésite pas. Bon, là, il n'a pas pu l'emporter, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre l'arbitraire d'un gouvernement? Il ne peut pas non plus, voilà. Mais c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il ne peut pas participer à la compétition, il ne gagne pas de fric en le faisant, au contraire, il y a la presse qui lui hurle dessus, et tous les connards qui lui gueulent dessus. Tous les connards de conformistes aux ordres du système qui répètent ce qu'ils entendent. Donc ces gens-là, dont je dis et je le répète, je souhaite la mort dans l'atroce souffrance sous l'effet de la vaccination qu'ils plébiscitent partout et qu'ils souhaitent rendre obligatoire d'ailleurs. Donc, je veux dire, j'espère que effectivement la Providence sera très généreuse avec tous ces gens-là. Et voilà, donc Djokovic, à mon avis, ouais, comme tu l'as bien dit, comme je l'ai dit un petit peu avant, je pense que l'histoire retiendra son nom. Enfin, l'histoire du sport retiendra son nom pour avoir mis ses convictions, sa rationalité avant son intérêt de sportif professionnel. Et ça mérite d'être souligné. Et il a été traîné dans la merde par les médias, évidemment. On sait très bien pourquoi. Et bon, bah voilà. Bon, à comparer avec effectivement Nadal, etc. Bon, là. Effectivement. Oui, il y a beaucoup de veuleries. Hein. Il y a comment il s'appelle, Daniel Riolo, là, le commentateur de foot. Alors, il était un peu connu, notamment aussi pour son livre Racaille Football Club, alors que je n'ai pas encore lu, mais même si ça date d'il y a quelques années. Bon, alors effectivement, il a touché du doigt, décrit une certaine réalité assez évidente, qu'il y a des gamins mal élevés qui sont des sportifs professionnels. Et tout ce qui s'ensuit, mais là, il a dit « oui, c'est normal que Djokovic soit expulsé, pas de passe-droit, etc. » Donc il a... Et c'est vrai que le milieu du journalisme, c'est... on va voir là leur, encore un peu plus leur hypocrisie, puisqu'il y a des sportifs qui, par dizaines, ont des problèmes cardiaques. Là, rien que cette semaine, un joueur canadien noir, Davis, donc comme quoi il y a de tout aujourd'hui, qui joue pour le Bayern Munich, donc c'est quand même en tant que titulaire en plus, donc un des bons joueurs du monde professionnel, qui est atteint d'une myocardite ou une péricardite, je ne sais plus. De même, deux joueurs internationaux pour le Gabon, Aubameyang et Lemina, sont tous les deux atteints officiellement de lésions cardiaques et n'ont pas pu jouer là qui se passe en ce moment, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous dire, quoi. C'est le réchauffement climatique, c'est la nourriture, ils ont mangé 30 cornflakes, je ne sais pas, enfin... Bah, l'Open d'Australie, là, il y a une joueuse slovène qui est obligée d'arrêter. Elle est en train d'étouffer sur le court. Elle a une toux, ouais, ouais. Elle a une toux violente qui s'est, qui, enfin, elle a une toux violente et elle pouvait plus respirer. Elle est obligée d'arrêter, quoi. Il y a trois joueurs qui ont quitté l'Open. Oui, il y a eu aussi Basilashvili, un joueur géorgien, qui est 22e mondial, qui a eu des problèmes de respiration, mais après, depuis, il a pu rejouer. Donc, bon, tant mieux pour lui, mais il y a des problèmes très graves. Hein. Dans le foot, il y a eu des joueurs très connus, hein, des joueurs qui jouent pour Manchester United, Lindelof, il y a eu Aguero, qui est un attaquant qui est parmi les 10 meilleurs buteurs de l'histoire du championnat d'Angleterre, qui joue maintenant pour Barcelone, enfin, qui jouait, puisqu'il a eu un problème cardiaque tel que, finalement, maintenant, il ne pourra plus jouer. Il a annoncé officiellement. Il y a tout un tas de soucis qui n'existaient pas avant. Il y a un ancien joueur anglais qui s'appelle Le Tissier a pris la parole en disant bah, « Moi, j'ai joué, j'ai été pro pendant 20 ans. Maintenant, je suis en partie consultant et là, je suis le foot de près. J'ai jamais vu ça. » Et là, forcément, il y a tous les cons qui lui tombent « Ouais, anti-vax, connard, ouais. Je sais pas quoi. » Alors que le gars n'a fait qu'une observation. Il a quand même une expertise puisqu'il était quand même pro et même international un petit peu. Bah, je veux dire, les gens sont d'une bêtise de conformisme. J'ai honte. Bah oui, y a ça, et puis il y a aussi la notion de passe-droit. Alors le passe-droit, excusez-moi, justement, oui. Comment on comprend ce mot-là, passe-droit ? Ouais, j'ai l'impression que c'est ce dont il est question. C'est-à-dire qu'en fait, on se passe des droits des gens maintenant. C'est ce qu'ils essayent de faire dire, ce que les médias essayent d'accréditer et de faire répéter par la masse des veaux, c'est que Djokovic demandait un privilège. Mais c'est l'inverse. On suspend les libertés des gens et on leur accorde une liberté, c'est-à-dire le privilège d'une liberté moyennant une soumission, qui est en l'occurrence la vaccination, à répétition, etc. Djokovic prétend avoir l'exercice de sa pleine liberté. L'État covidiste australien lui dit non, la liberté, c'est conditionnel. Si vous vous soumettez, peut-être qu'on vous accordera telle ou telle liberté. Mais il faut d'abord vous soumettre, il faut d'abord vous piquer. Donc qui c'est qui a instauré le système de passe-droit, de se passer des droits ? C'est le système covidiste. Djokovic ne demande aucun traitement de faveur, il demande à être traité normalement. Or, on lui refuse ce traitement normal. Donc, qu'on arrête avec cette inversion délirante de la réalité. Il n'y a pas de passe-droit pour les non-vaccinés. Ils subissent la ségrégation territoriale, l'accès soit à l'exercice de leur profession pour certains, soit l'accès à des espaces publics, j'en passe et des meilleurs, pour même pas parler de l'ambiance générale qui les vise. Donc, il faut arrêter. Ils ne demandent pas de privilèges, ils ne demandent pas quelque chose en plus que les autres ont. Il demande à pouvoir vivre normalement. Djokovic, il dit, voilà, je veux participer à un tournoi. Et même d'ailleurs, même selon les termes officiels en vigueur, il avait même bénéficié de l'autorisation de la justice australienne, c'est pour vous dire. Mais on lui refuse par l'arbitraire. Non, s'il y a quelqu'un qui on prive de droit, c'est bien Djokovic. Il ne demande pas à ne pas avoir de droit. On le prive de droit. C'est complètement différent. Vous voyez ? Donc c'est cette confusion entre droit et privilège qui est au centre de ce qui se passe. Et tous ces foutus connards de zombies vaccinés, ils sont en train de demander l'instauration de ce système de privilèges partout. Et ils sont en train d'abreuver d'injures tous les gens qui refusent de se soumettre à l'instauration de ce système. Donc si vous voulez, il y a une chose, c'est de subir l'arbitraire et l'injustice, mais il y en a une autre, que de se faire traiter d'être un suppôt de l'arbitraire et de l'injustice quand soi-même on l'a subi. Ça, c'est vraiment le pire de ce qui peut se produire, quoi. Voilà, donc vous faites accuser de ce dont vous êtes victime. Alors ça, c'est le fin du fin dans la saloperie, quoi. Et ça m'insupporte totalement. Et c'est ce que subit Djokovic, d'autres vont le subir à leur petit niveau, je veux dire, hein, pas besoin d'être un grand sportif, hein, je veux dire, voilà, donc en fait, quand tu voudras jouir de ton droit naturel à aller quelque part, on va dire qu'il n'y a pas de passe-droit parce que tu n'es pas un privilégié. Donc c'est les privilégiés qui vont te mettre à l'amende en te disant que tu n'es pas un privilégié, enfin on est chez les fous, quoi. On est chez les fous. Donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur un ton ironique. Si tous ces fous, ils vivaient entre eux dans leur pays à la con, ça irait. S'ils avaient un pays à eux qu'on appellerait Vaxland, d'accord, avec une pierre noire au milieu et tous les ans, ils tourneraient autour, là, comme des demeurés. Voilà, ce serait leur religion. Ben, ça serait très très bien, formidable. Ils vivent entre eux, on s'en fout de ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'ils sont partout et qu'ils essayent d'imposer ça aux gens qui sont encore normaux. Vous voyez, comme au Québec, là, donc là en Australie, c'est insupportable, quoi. Donc je ne vois pas, moi j'en suis là de ma réflexion, je ne vois pas, je crois que c'est une fracture qui est beaucoup plus profonde que juste une histoire de vaccin, en fait. Bon, le vaccin, vous l'avez compris, enfin en tout cas pour ceux qui nous écoutent, je pense que la plupart ont compris que c'était un artifice. Mais la rupture est plus profonde que ça. C'est une rupture anthropologique. Et même une rupture de représentation collective, une rupture du rapport au monde, du rapport aux autres, du rapport à la réalité, ces gens-là vivent dans une réalité complètement parallèle. Ils sont convaincus qu'elle existe, exactement comme dans une religion. Et si vous écartez du dogme religieux, vous êtes un infidèle et il faut vous détruire. Comment voulez-vous coexister avec des fous furieux comme ça? Comment voulez-vous coexister avec des gens pareils? C'est du fanatisme. C'est du fanatisme. Donc les dommages infligés à l'ordre social sont beaucoup plus graves que ce qu'on pourrait croire. Enfin, le système a intérêt à alimenter ça en permanence, donc ils vont pas se priver, quoi. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, quoi. Effectivement. Eh bien, du coup, à la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine.